Salut tout le monde, c'est Sai, bienvenue à la 116e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Je me fais le générique dans la tête comme ça. Il faudra mettre la nouvelle chanson de l'eau. Ok, la machin. À la fin, bien sûr. Voilà, j'aime pas la gamme. Et bienvenue dans la nouvelle émission de autour d'un VR avec l'équipe de VR for Player, enfin l'équipe, ce qu'il en reste, tous ceux qui ne sont pas pendus ou qui ne sont pas en train de déprimer sous leur douche. Et nous avons le meilleur, El Rocco. Salut El. Coucou, salut, comment salut tout le monde. Comment ça? salut. Il y a de l'écho un peu. Bon. Pas ouf au niveau de l'équipe, mais en tout cas voilà, on va quand même essayer de faire une émission dans la bonne humeur, essayer d'être un peu moins déprimé que d'habitude. Et, un peu moins aigri. Et puis voilà, oui, le PSVR 2 est mort, oui, on sait, on a vu toutes les vidéos, toutes les news, mais bon, tant que ça respire, c'est qu'on peut encore aller dedans, donc voilà, on continue en tout cas à vous proposer l'émission, tant qu'on peut en tout cas, tant qu'il y a des news. Comment est-ce que tu vas d'ailleurs, mon petit El Rocco? Du coup, ça se passe bien cette période de disette, d'incertitude, etc. Ouais, ça va. J'ai beaucoup de choses voilà, en tête, beaucoup de choses à faire, énormément. Mine de rien, il est peut-être mort, mais il fonctionne encore pas mal chez moi. Il y a toujours les Resident Evil à faire. Il y a toujours il y a le No Man's Sky qu'il va falloir que je me mette dedans, au VR Dark où j'ai pris énormément de plaisir et que j'ai relancé VR Bad Dreams. Il y a quand même des choses à faire. Ben oui. Il y a quand même des choses à faire. Mais voilà, on attend. Hein. Je fais attention à mes VR Sense, hein, à pas trop les brusquer. Ah oui, c'est clair. Voilà, parce que bon, je guette toujours s'il n'y a pas une petite anomalie. Quelque chose, voilà, une petite anomalie dans l'internet et qu'on puisse enfin se les procurer, mais non, toujours pas. Quand tu regardes un petit peu, tu deviens un petit peu parano avec ces VR Sense qui ne sont pas vendus à l'unité, on le rappelle. Et tu sais, s'il y en a un qui se décharge un peu plus vite que l'autre, et de plus en plus. Oui, ça commence. La petite suée. Les sessions de RE4, oui, j'ai le gauche qui se vide beaucoup plus vite. Hein. Mais bon, vu que c'est celui-là avec lequel on fait, on se déplace, on court, et que mine de rien, il y a de l'aptique en veux-tu, en voilà, on voit ce que ça donne sur un Ratchet, sur RE4, il y en a pas mal hein, aussi. Tout est normal. Mais bon, c'est... Tout est normal. J'ai juste la sueur, mais que d'un seul côté du front. Bon, donc ça va. Ça va. Impeccable. Bon, bah écoute, on va commencer du coup l'émission avec les news. Mine de rien, il y en a quand même quelques-unes. Encore. Il y en a quelques-unes. Hein. En trois semaines, il y en a, voilà. Pas BZF, mais il y en a un petit peu. Et bah vas-y, à toi de jouer. Donc, on commence par, je pense, la nouvelle la plus fraîche, la plus récente. Ça y est, Madison VR arrive. Enfin. Mais pour de vrai, hein, cette fois-ci, hein, c'est imminent, hein, c'est pas une blague. Donc, on le savait, le jeu, il a eu sa mise à jour Unity où il pouvait booster le jeu à 90 FPS, ce qu'il voulait absolument faire. Et puis, je pense qu'il... Entre nous, il devait pas y avoir, il devait y avoir autre chose, voilà. Que si on en croit, voilà, sur ta preview sur la version étalon PC, ouais. C'était pas trop point, ouais. Et que je pense qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire. Donc ça a été plutôt bienvenu, quoi. Effectivement, c'est un truc que j'avais vu sur la preview quand je l'avais testé sur une version de travail. C'était encore avant une démo, si vous voulez. Avec juste une toute petite partie du jeu, c'est vrai qu'avec la 3090, ça ramait déjà. Donc, à mon avis, un gros boulot au niveau de l'optimisation pour ce jeu-là, quoi. Clairement. Donc, c'est plutôt un mal pour un bien. De toute façon, ça, c'est, je pense, le jeu qui n'a pas le droit de décevoir. Parce que si lui se plante, aïe. Je pense qu'il y aura encore du grain à moudre pour certains et de rajouter une pelletée de terre sur le visage du PSVR 2. Quoi. Ouais, moi, je pense que c'est un jeu qu'il faut attendre, surtout pour tous les fans des jeux d'horreur à ambiance, on va dire, vraiment. Et où tu te retrouves un petit peu comme un lapin dans les phares d'une bagnole. Quoi. T'as rien pour te défendre, tu peux juste te fuir. Tu subis. Et tu subis. Moi, j'ai juste des réserves encore sur son gameplay avec le cul entre deux chaises, un petit peu qui sait pas à quel sens vouer entre le motion gaming et puis le jeu plat, quoi. Donc, j'espère qu'ils vont trouver quand même des choses pour améliorer de ce que j'ai vu, ce que j'ai eu la chance de voir déjà avant sa sortie. Donc, on verra ce que ça donne un petit peu. Et on sera là pour vous le dire. Ouais, mais ce cul entre deux chaises, il y est aussi hein, sur Resident Evil 4, hein, enfin dire à moindre mesure, mais de temps en temps, tu sais pas trop si c'est X ou si tu dois manipuler avec les mains, c'est un petit peu, c'est compliqué, hein, mais c'est le problème hein, de toute manière de la VR qui doit absolument être motion gaming. Voilà, il y a encore, je pense qu'il faut qu'ils fassent les choix, les bons choix et qu'ils jouent à leur jeu, hein, de toute façon. S'ils essayent, qu'ils voient que c'est pas fluide, c'est le joueur, il sera perdu. Hein. OVR Dark, il a su trouver vraiment le juste milieu. Hein. C'est voilà, on se pose jamais de questions. Donc bon, on verra ça. La date, ça arrive le 2 mai. Très bien. Donc très bientôt en fait. Semaine pro. Et y a un petit plus encore, c'est qu'il y a également une petite réduction, voilà, de 20% pour ceux qui auraient acheter le jeu plat avant le 1er mars. Donc ils auront 20% jusqu'à fin 31 mai, il me semble. D'accord. Donc voilà. Ça mange pas de pain, c'est toujours bon à prendre. Voilà. Ensuite, on va continuer un petit peu dans les sorties du mois de mai. On va dire des jeux qui en valent la peine, hein. Les autres, vous les verrez dans une prochaine vidéo. Donc voilà, il y a le petit Stride Fate. Stride Fate, oui, la suite du premier Stride qui était sorti sur PSVR, PC et Quest, et qui est du coup un jeu de parcours qui est le descendant direct de Mirror's Edge, pour ceux qui se souviennent de cette licence partie trop tôt, et qui se garnit dans cette suite d'un scénario en fait et de décors un peu plus évolués justement que le premier jeu. Qui a l'air d'avoir des possibilités de combat aussi qui ont l'air un peu plus étoffées. Parce que le premier c'était juste du concept en fait, c'est juste du parcours. C'est exactement ça en fait, c'était un jeu où t'avais deux phases en fait, t'avais des phases de run où t'étais dans une ligne droite et donc t'avais des obstacles, tu devais courir sur les murs, te baisser pour éviter les obstacles. C'était beaucoup de la plateforme avec quelques phases de tir quand t'avais des ennemis, c'était très arcade, qui apparaissaient et qui essayaient de te shooter. Un bon petit mélange, c'est un jeu qui était quand même assez prenant, très énergivore on va dire, mais qui passait plutôt bien, franchement tu faisais avec plaisir. Et l'autre phase c'était, si je dis pas de bêtises parce que ça remonte un petit peu, c'était dans des zones un peu plus ouvertes, pas très grandes, mais plus ouvertes, où tu devais récupérer, je crois, tuer tous les ennemis de la zone ou récupérer des colis. Donc voilà, c'était pareil aussi, un jeu complètement à score. Et là, dans cette suite, il y a l'air d'avoir quand même un micro scénario. Il y a un scénar. Voilà. Il y a un scénar. Apparemment, on est un genre d'agent de police spécialisé dans le parcours, tu vois. Ce qui se fait pas souvent hein, actuellement. Et ouais, bah apparemment il y aura un petit scénar et puis ils ont amélioré forcément graphiquement, hein, même si ça reste quand même dans le design très épuré, comme Urbain Gris en fait. Hein. Urbain Gris. Urbain Gris. Voilà. Bah, tant qu'ils nous pondent pas un brouillard à plus de 2 mètres, moi ça. On verra. Techniquement, hein, il a l'air de tenir la route hein, quand même. Enfin, je suis plutôt curieux dessus là. Et il y a l'air d'y avoir un peu de physique. Ouais. Tu vois, alors je dis pas que c'est de la physique à la Alix, mais il y a quand même de la physique. On peut choper des trucs, voilà, balancer à la tête des ennemis. Bon, c'est à voir. Donc lui, il arrivera le 16. Ok. Ça donne le temps de terminer Madison. Mmh. Et puis, un petit peu plus de 2 semaines plus tard, un peu moins, Retropolis 2. Ouais. Voilà, alors Never Say Goodbye, qui est le petit jeu d'aventure. Je crois qu'il est tout droit sorti de l'autonome, il est déjà sorti sur autonome. Et déjà, ça fait un petit peu grincer des dents, mais Mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose. Il y a l'air d'y avoir une petite patte graphique cel-shading, mais cel-shading travaillé, avec mine de rien un scénario. Là où j'ai un petit peu peur, c'est que t'as l'air très statique, en fait, dans ce jeu-là. Ça a l'air un petit peu de résoudre des énigmes. T'es sur un point fixe et tu résous des énigmes. Tu apparais dans une pièce différente à chaque fois que tu passes des niveaux. Et voilà, il faut résoudre une enquête. Et t'as une main genre télescopique. T'appuies sur des boutons, tu tournes des manivelles, des choses comme ça. Bon, c'est un petit peu... Ça m'a fait un petit peu penser dans le gameplay légèrement à Fisherman Tales. Ouais. Voilà où t'avais le corps qui se télescopait complètement. Mmh. Faut voir. C'est voilà, ça met on va dire un petit peu une petite variété dans ce catalogue où on est pour le moment un petit peu cantonné à des jeux d'horreur. Ouais, surtout en ce moment. C'est clair. Ouais, des jeux d'horreur. Voilà, de toute façon, c'est soit des simulators, soit des jeux d'horreur, ou alors des roguelites. Donc oui. Bon. Ça va, un petit jeu d'aventure où il faut un petit peu se creuser la tête, ça peut le faire. Ça change. Ça peut le faire. Okay. Ça change. Et donc ça sort quand, ça, tu as dit Le 24 mai. Le 24 mai, ok. Donc voilà, c'est plutôt bien dispersé dans le mois. Mmh. Il y aura de quoi faire. Et puis, il y a une version boîte qui apparemment sortirait en même temps que la version digitale. Est-ce que tu pourras le trouver dans ton Carrefour Micromania du coin? Je crois qu'il est disponible chez Micromania. Ah ouais? Il sera disponible. Ouais. Bon, bah je vais bien me taire alors. Ok. Non, parce que c'est toujours pareil. T'as la version spécialisée Perp Games où en général, tu sais, ils font une jaquette signée par les développeurs, les trucs comme ça. Ouais. Donc pour ceux qui veulent faire moi ma version, et tout, il y a seulement 100 exemplaires et tout. J'ai acheté le seul exemplaire. Bon, ça va, il y en a encore. Non, donc voilà quoi. C'est y a une petite version spéciale Perp Games en général et puis le reste pour la plèbe, tu vois. Ça marche. Même si, bon. Je sais pas si celui-là, bah, il y en aura beaucoup qui vont le remarquer. Est-ce qu'il va se faire plus remarquer que Madison? Ça, j'ai un doute. Mais bon. Il a un style, il a un style graphique très crayonné en fait. Techniquement, c'est pas fifou quoi, mais. Non, c'est pas fifou, mais bon, faut voir. Faut voir si ça passe. On a déjà vu des jeux plus fumistes que ça en fait. Voilà, c'est ce que. C'est, dernièrement, oui. À tel point que c'est la déprime, tu vois. Ouais, bon, ça passe. Allez, ça passe. Allez, on essaye de trouver circonstances atténuantes. Bon. Et c'est presque, on arrive à s'accommoder de l'odeur de la merde. De la merde, ouais, c'est ça. Mais bon, contrairement à certains, on en apprécie pas encore le goût. Ouais, ça va. C'est ça. Mais non, moi, à part, il peut avoir des graphismes, tu sais, le syndrome Morgan Quater, comme d'hab, mais il peut avoir des graphismes vraiment pas PSVR2 natif comme on aimerait en voir plus souvent. Mais si derrière il y a une proposition, une vraie proposition, que c'est pas du foutage de gueule, bon allez, vas-y. Hein. À voir. Why not, hein. À voir. Moi, à partir du moment où je commence à m'amuser, je me dis que le jeu a déjà commencé à gagner. Moi, je commence à me dire, du moment que le jeu il te propose pas de nettoyer des chiottes dans l'espace, ça va. Ça dépend, hein, s'il y a un bon scénario. Super le scénar, ouais. J'imagine bien le truc. Non. Donc, ok. Donc voilà. C'est pour les petites sorties, on va dire, les futures sorties marquantes, c'est. Voilà. Ok. Ce sont celles. Ensuite, on a des rééditions de jeux qui étaient sortis sur le premier PSVR, me semble-t-il. Oui, donc il y en a un qui est sorti. Mmh. Donc là, vous pouvez directement l'acheter. Et il s'agit de Doctor Who, ce Age of Time qu'on avait déjà sur PlayStation VR 1, qui était déjà très joli sur PlayStation VR 1. Très net pour un casque qui n'était pas HD. Très joli, très net, même pour l'époque où les jeux étaient plus jolis que maintenant. Voilà. Oui, oui. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, les développeurs, ils font un petit cadeau pour ceux qui auraient potentiellement acheté la version PlayStation VR 1, que ça soit en boîte ou en digital. Il suffit tout simplement de leur écrire. Ils ont mis une adresse sur Twitter où vous leur écrivez, vous leur balancez la facture, voilà, du jeu, comme preuve, et ils vous envoient un code, soit par mail, soit sur Twitter directement. C'est cool, et ça. Vous avez la version PlayStation VR 2 gratuite. Alors c'est pas mal comme système, mais est-ce qu'ils pourraient pas automatiser la chose? C'est-à-dire si t'as la version on va dire PS4 du PSVR 1 sur ta console, genre je sais pas, le patcher directement pour une version PSVR 2. Tu l'as acheté, tu l'as sur ton compte. Bah techniquement ils peuvent le faire parce qu'ils l'ont enfin il y en a d'autres qui l'ont fait avant eux, tu vois. Donc pourquoi est-ce qu'ils font pas ça pour les versions digitales? À la limite, sur la version boîte que tu dois donner une preuve d'achat, je veux bien comprendre. Sur la version digitale. Ou peut-être, est-ce que c'est un petit peu compter sur la flemme ouais. intersidérale des gens, tu vois? C'est ça. Et puis, c'est dire, sympa. Bon, voilà. C'est sympa, mais. Et dites pas qu'on est. Sur un nous ne sommes pas des enculés, mais bon, voilà, tout le monde n'a pas Twitter, tout le monde ne sera pas forcément au courant. Tout le monde n'a pas de boîte aux lettres. Les chiens de la casse comme nous. Hein, c'est mais... ça. Parce que c'est tombé, hein, tu nous enlèves la muselière, mais on t'arrache la gueule. On va bouffer dans toutes les gamelles, ouais, ça c'est clair. Non, mais franchement, faut quand même, bon voilà, c'est vrai qu'ils auraient pu faciliter la chose, mais il y a quand même la proposition qui est faite, et ça a été, c'est très rapide, franchement c'est très rapide, hein. C'était la veille au soir pour le lendemain matin, nickel. Parfait, nickel. Testé, approuvé, ça marche. Et oui, le jeu est testé. En plus, et ça tu reviendras tout à l'heure dessus. J'en reviendrai vite rapidement tout à l'heure. Et ben il y a une petite mode là parce qu'il y en a un deuxième du PlayStation VR 1. Astrobot? Qui non, faut pas déconner. Resident Evil 7. Ah attends, il y a potentiellement une rumeur hein, sur ce truc là. Oh, des rumeurs, rumeurs, il y en a tout le tour de Twitter, hein. Enfin de X ex Twitter. Ah, attends, mais pour la rumeur, il y a un petit site revendeur qui a mis en ligne Resident Evil 2, 3 et 7 sur PlayStation 5, avec le label PlayStation 5. Oui, label PlayStation 5, ça veut pas dire PSVR 2, ça. Ça veut pas dire PSVR 2. Mais bon, on a eu le 4 avant d'avoir la version VR, donc... Et puis, étant donné que le 7, on avait déjà une version VR... Ouais, vraiment chien de la casse là quand même pour essayer de... Je sais pas. Non mais on peut voilà, on peut toujours espérer. Et puis techniquement ce sont quand même les meilleures versions. Et puis Resident Evil 7 quoi. Resident Evil 7. Donc pourquoi pas. Bah pourquoi pour pas. Avoir refait Resident Evil 7 à part l'avoir déjà fait à l'époque sur PSVR et l'avoir refait après le 8. Ouais, l'ambiance elle est quand même vraiment sympa dans le 7 aussi hein. Vraiment. Et c'est pas la même, hein. C'est tu te sens sale, Bakers, hein. Tu te sens sale hein, quand tu joues, hein, vraiment. Donc, Ah bah la scène du, j'allais dire du restaurant, non, c'est pas un resto. C'est pas vraiment un resto. C'est pas voilà, mais bon. Quoi que dans certains autre, hein, villages alsaciens, tu trouves ce genre de d'ambiance aussi très bizarre, mais. Là, je réfléchis, c'est Jean-Laurent, il est pas là-bas. Donc ce Resident Evil 7, en tout cas, voilà, c'est pour le moment, c'est vraiment de la rumeur, c'est même. La base de rien comme rumeur en fait, mais bon, en tout cas, on espère que ça pourrait être sympa. C'est juste un mec qui a tweeté, qui a posté, il a fait une capture d'écran de pas des précommandes, mais genre des annoncés. Et a annoncé, il y a ces trois jeux là d'affilée. Ok, bon, okay. Mais c'est le genre de truc que je fais facilement sur Photoshop. Hein. Donc, oui, voilà. Voilà, il faut. Calme-toi, on va pas s'emballer. On va pas s'emballer. Donc oui, on parlait d'un deuxième jeu, ouais. Et le deuxième jeu, bah, je suis content de le voir arriver sur PlayStation VR 2, c'est Wildlands 2. Wildlands 2, ouais. Wildlands 2. Et c'est très bien, là, le développeur, bah, c'est pareil, hein, le même jour avec l'annonce de Doctor Who, boop. Et nous aussi, au fait, on sort notre jeu Wildlands... Wildlands 2 sur PlayStation VR 2. Donc voilà, pas de date par contre, pas de prix. Ouais. Mais c'est là. Mais c'est bien. Bon, c'est pas un jeu qui va être gourmand, hein. C'est un jeu qui est très très simple et coloré graphiquement. Mais qui est fun. C'est un jeu de Tarzan, un jeu de Tarzan qui se joue en multi en plus, en local, pas en local, en multicoop. Ouais. Qui est qui est sympatoche quoi. Ah mais on avait fait une preview avec Lolo et Majo là, à 3. Et franchement, on s'est tapé de bonnes barres. Hein. Mais vraiment, parce que ça part dans tous les sens, hein. Et puis tu meurs comme un caca, hein, dans ce jeu-là. Bon, tu repop sans arrêt, mais bon, il faut que tu te retapes tout le chemin pour arriver jusqu'au boss qui t'abolosse. Mais mais oui, non, mais franchement, t'as des combats de boss. Il faut avoir un petit peu bien maîtrisé le délire. C'était une tyrolienne, c'est ça? C'est que de la tyrolienne, il me semble. Tyrolienne, non. Il me semblait que c'était. Alors, moi, j'avais joué surtout au premier. C'était un système de. Non, ça grappa. C'était des grappins que t'avais. Ouais. Ouais. C'est des grappins que t'avais. Et dans le deuxième, c'était pareil. Je crois. Ouais. Donc ça, il faut bien le maîtriser. Tu pouvais pas t'accrocher partout. C'était souvent. Et jouer sur l'inertie. Tout ce qui était un petit peu feuille d'arbre, tout ça, quoi. Et puis t'avais l'arc. Mais le problème qu'on avait principalement avec le premier PSVR, vu que c'est un jeu qui est très nerveux. Et très mobile, le système de tracking, quoi. Donc, moi, ça va parce que je surhausse la caméra, donc le tracking chope vraiment un tout petit peu plus large. Donc, j'avais pas beaucoup de décrochage, mais Majo, c'était systématique. Hein. Donc, quand le PS Move décroche, t'avais la main qui vers l'infini et au-delà. perso, moi je le vois, je suis content de le revoir parce que je me dis au moins que celui-là, il y a de fortes chances que je le termine enfin. Un jeu à redécouvrir en tout cas, qui a pas non plus à rougir par rapport à ce qui sort sur le PSVR 2 en ce moment. Clairement. Non, et puis c'est pas un jeu où il y a du foutage de gueule dedans, parce que t'as du vrai gameplay, t'as mine de rien de l'histoire. C'est simple et coloré, mais mine de rien c'est travaillé, hein. C'est pas seulement des assets à la con, c'est des carrés, des triangles, des machins. C'est quand même, il y a du travail derrière, il y a du chara-design. Franchement, c'est sympa. Puis le gameplay, le gameplay est vraiment très très très plaisant. Okay. Mais il faut aimer suer. Okay. Faut aimer suer. C'est pas un jeu VR canapé. Bon, on refera le test en temps voulu. Ensuite, qu'est-ce que t'as dans ta besace? Dans ma besace. Donc, ça, c'était pour les sorties d'anciens jeux. On a Wanderer qui a un prix maintenant. Donc, attention, hein. C'est un jeu qui coûte cher. 54,99. Ouais. Ouais. Ah, mais. Ouais. La qualité a un prix. Excuse-nous. Hein. La qualité a un prix en même temps. Ouais, on a déjà dit. Absolument. Ouais. Absolument. Et puis là, pour le coup, on a vraiment. Comme je dis, hein, c'est pas un jeu concept. Hein, loin d'un. Déjà, le premier, il était pas du tout dans ce cas de figure-là. Et celui-là, c'est pas non plus un remaster. C'est vraiment un remake complet, quoi. Avec des pans de scénario en plus. Énormément de contenu, et puis graphiquement, voilà, il y a du taf. Hein. Et puis l'équipe, elle bosse d'enfer et elle poste régulièrement. On voit un petit peu leur avancée, et puis ça va éclater. Et puis il faut bien financer le 2, bordel. Donc voilà. Et oui, putain, je l'avais zappé ça d'ailleurs, c'est vrai, dans la dernière seconde du trailer, le 2. Donc si vous n'avez pas beaucoup de sous, dépensez pas dans des conneries, cactus zombie simulator, et mettez de côté pour celui-là, parce que lui, il va tout défoncer. C'est du gameplay, c'est un jeu d'aventure, je dirais. Ah, aventure-action, hein, t'as quand même... Ouais, un petit peu de phase de tir, quelques phases de tir quand même, à l'arc, t'as quelques phases flingue, de tir. Ouais. C'est pas le cœur du gameplay, mais il y en a. C'est pas le cœur du gameplay, mais t'as des petites séquences de tir pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le futur, énormément de puzzle game. Jeu de rythme. De puzzle, quoi. sur une séquence, avec la batterie. Deux. Ah oui, alors là, putain, l'enfer, hein. Oh, moi j'ai rien capté. Hein. Ah bah, comment t'appelles ça, tu sais, que tu tapes au bon moment. Oui, c'est un jeu de rythme, mais c'est... Moi, les jeux de rythme, les jeux de musique, j'y arrive pas de toute façon, donc c'est pas... Non, tu joues à peu près de tout ce qui existe, hein. Ouais, même moi, il n'y a pas de problème. Ton petit ressort dans la bouche, là, je sais plus comment ça s'appelle, ce truc-là. La guimbarde. Bon, mets pas ta bouche dessus, hein, parce que, bon, voilà, souffle. La guimbarde tétanos, là. Ouais, t'as, elle est complètement rouillée, dégueulasse. Ben, voilà. Parfait. Fais tes rappels. Impeccable. Oh my god. Bon bah voilà, le dernier podcast de séance, hein, Bon bah ça sera le pourquoi? dernier podcast, voilà. Merci. S'il a une grosse verrue dans 3 semaines, vous saurez pourquoi. Une grosse bouche de suceur de quest, tu vois. Dis-moi, j'essaye. Donc voilà, bah Wanderer qu'on attend toujours. Lui, il a pas bougé, hein. Il nous fait pas une Madison. Il a pas bougé. C'est toujours voilà prévu pour fin juin. C'est bon. Parfait, bonne nouvelle. Ensuite. Attends, je prends un petit. C'est très radiophonique, c'est ça qui est bien. Pour ceux qui écoutent le podcast en audio, c'est nickel. Bienvenue dans ma bouche. Ah oui. Alors, tac, tac, tac. Truc intéressant parce que il faut mettre au courant rapidement. Les gens doivent savoir. Oh bah c'est surtout que ça se termine très vite, mais bon, je pense que ceux qui ont un PSVR 2 sont déjà au courant, mais c'est bien de le rappeler qu'en ce moment il y a des petites promotions, voilà, sur le store, donc et que bon, il y en a pas énormément, mais on a quand même, bah, il y a quand même du bon, hein, donc bah, Resident Evil Village, ouais, qui passe à 16 euros, Resident Evil 4 à 40, il y a Creed, il y a du Swordsman, bon c'est pas celui que je recommanderais, mais il est toujours au top, hein, au niveau de la simulation de combat d'épée. Mmh. Donc, pour faire essayer la VR aux gens autour de vous, bah, il y a Kayak VR Mirage, voilà, qui lui aussi est à 16 euros. Du VR, du Very, pardon, Bad Dreams. Red Matter 1, toujours à 15 euros. Voilà, c'est sympathique. Donc, il y a deux bonnes petites promos. Et je crois que j'en avais vu un petit dernier. Non, c'est toujours Red Matter. Il n'y a pas le 2. Ça, il n'y a pas le 2. Et sinon, oui, il y a du jeune rythme, hein, donc il y a le Synth Rider qui est en promotion également, et puis voilà. Deux, trois petites choses. Voilà, ouais. C'est pas les promos du siècle, mais voilà, ça le mérite d'être là. C'est pas fifou. Ah, et puis il y a Star Wars, hein, il y a la pizza surgelée, ah, hein, Star n'oubliez Wars. Pas. Et oui, mais que je conseille quand même, parce que j'ai beaucoup aimé. Mais oui. Et oui, et puis bah, mine de rien, même si elle est surgelée, la pizza fait très bien le café sur notre casque, et puis nous sommes les seuls à voir cette version-là. Donc voilà, oui, ça la met pas quand même PC. En avant. Ouais, et oui. Petite exclue comme Resident Evil 4 et Village. Voilà. Voilà, voilà. Ok, donc c'était tout pour les news ou t'as encore deux, trois petites choses? Oui, t'en as, si, t'as d'autres trucs, je sais. Il y a d'autres trucs. Tu veux. On parle encore des jeux ou de l'évolution, de la future évolution de notre casque? L'évolution, peut-être. Parce qu'on a des tests qui arrivent après, mais il y a l'évolution, il y a la prochaine page de l'histoire du PSVR 2. Ouais, qui plaît pas à tout le monde, mais bon. C'est une première page, il y a des ratures, il y a des traces de doigts, quoi, on va dire. C'est ça. Bon, bah, on en profitera peut-être, et puis peut-être qu'on va se régaler. Mais voilà, il y a Flat2VR qui a annoncé donc qu'ils avaient reçu le dev kit. Dev kit PSVR 2. PSVR 2. Et bah, ils sont déjà en train de bosser dessus. Hein. Bah, alors après, le premier jeu qu'ils ont annoncé et puis qu'ils ont un petit peu teasé sur Twitter. Bah c'est on s'attendait pas à celui-là. C'est quand je vais l'évoquer, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est Neon White, ouais, voilà, qui est un peu, alors qu'il faut juste préciser que c'est un jeu Annapurna, donc des jeux, si je dis par exemple Stray, le petit chat, Edith Finch. Edith Finch. What Become of Edith Finch, non, je sais plus le titre exact, ouais, mais c'était un Walking et Outer, Sim. Outer Wild. Outer Wild, ouais. Aussi, donc c'est. Voilà, d'ailleurs, je pense qu'on aurait pu, on aurait préféré avoir le petit chat ou Outer Wild en VR, mais non, on aura Neon White. Bah, c'est un jeu de parcours, tir. En fait, c'est un jeu, quand tu le vois, tu te dis, mais ça c'est VR, ça, en fait. Enfin, c'est ce qu'on a l'habitude de voir justement en VR. Et parce que je pense que le gameplay, en fait, justement, est complètement adapté à la réalité virtuelle, en tout cas à ce qui a déjà été proposé en VR. C'est un mélange entre jeu de parcours et puis enfin de, et de cartes, de plateformes et de jeux de tir aussi, très arcade. Ça dash, ça tire. Oui, t'as une partie avec des cartes aussi. J'y ai pas joué et les cartes sont des bonus. Moi non plus. C'est celui qui m'attire le moins. C'est pour ça que je suis un petit peu dans la longue liste des jeux qu'on aurait pu attendre justement ou aurait pu travailler Flat to VR. C'est vrai que c'est celui on se dit ah bon, voilà. Mais c'est un jeu qui est pas très beau, pas très détaillé, pas réaliste en tout cas, ça c'est sûr et certain. Bah il y a du code, alors pas très beau. C'est une charte graphique qui bah pour le coup rappelle un peu Mirror Edge, parce que c'est très monochrome. Il y a les notes de couleur, c'est sur des choses, des ennemis particuliers, les endroits où tu dois dasher et éclater les portes. Voilà, ce sera surtout ça. Ça met bien en valeur les cartes. Il y a voilà, c'est tout ce qui est nature et l'eau, tout ça qui va être mis en couleur et beaucoup plus prononcé. Et vu que tous les murs sont blancs, voilà, parce que tu te balades dans un espèce de château qui lévite comme ça au-dessus des nuages. Donc voilà, t'es un peu dans la salle du temps, tu vois. C'est des niveaux, c'est un enchaînement de niveaux où il y a du scoring, des choses comme ça. Et puis, tu utilises pour le coup, même pour tirer, pour tuer les ennemis, que ce soit avec un flingue ou le sabre, et ben ce sont des cartes que tu abats comme ça. De manière très très réflexe en fait. Et sinon tu n'avances pas. Si tu fais de la merde avec tes cartes, tu ne peux pas avancer. Et c'est exigeant en fait comme jeu. Ah, c'est un jeu à scoring, c'est un jeu apparemment qui en tout cas sur sa version plate beaucoup mis en avant son gameplay, son ambiance, le côté visual novel aussi pour le scénar qui a un design particulier, mais bon après qui a pas l'air non plus trop dégueu. Et puis la musique aussi apparemment qui déchire bien. Annapurna, hein. C'est très fort. C'est ils sont très forts. Je pense qu'ils sont partis justement flat to air vers ce jeu-là déjà parce que c'est un éditeur indé. Je pense que pour discuter un petit peu justement d'une adaptation en VR semi-officielle, c'est quand même la meilleure porte d'entrée pour eux. Et puis aussi, c'est un jeu voilà, qui n'est pas exigeant techniquement, c'est-à-dire que... Il risque de taper les 90 FPS facilement. Au niveau de l'optimisation sur PS5 et au niveau du contrat d'acceptabilité, on va dire, de PlayStation pour porter les jeux sur PSVR 2, je pense que le jeu, ça a justement pas gourmand, quoi. C'est un jeu qui est sorti sur Switch, qui s'en est très très bien tiré. Ça n'a pas besoin d'une grosse config justement pour tourner. Je pense que c'est pour toutes ces petites choses-là qu'ils ont commencé déjà par ce jeu-là. Quoi. Un jeu qui a déjà une bonne réputation au niveau du jeu plat et au niveau du gameplay, qui a trouvé son public. Apparemment, hein. Et il a de bonnes notes sur Steam. Ouais. Hein. Et qui déstabilise pas les joueurs VR, parce qu'ils ont l'habitude un petit peu de voir ce genre de jeu, ce genre de graphisme en tout cas. Donc voilà. Bon. Oui. À voir. Toujours. Je suis curieux de... Et peut-être que c'est... Bah parce qu'en plat, il me motive pas plus que ça, parce qu'en général, les jeux Annapurna, je les prends des one, mais celui-là... Est-ce que ce sera la version VR qui me fera me plonger dedans? Te pencher dessus, ouais, peut-être bien. Hein. C'est possible. Peut-être. Peut-être. RE8, je l'ai jamais fait parce que je le trouvais vraiment à chier, mais en VR, c'est autre chose. Et aussi sur console, et vu que ça va être un véritable produit proposé, ça sera plus qu'un mode, même si c'est Flat to VR qui bosse dessus, je pense qu'ils ont besoin aussi de proposer un gameplay beaucoup moins dans l'à peu près que les modes que tu peux trouver sur le mode Unreal Engine ou Lucros, tu vois, où c'est toujours... C'est du mode, quoi. Faut bidouiller. C'est du mode. Faut bidouiller. Donc là, faut vraiment que ce soit parfait, quoi. Et c'est pour ça que je pense que ce type de gameplay-là s'y prête pas mal. Donc, donc à voir. Et puis, sur Twitter, il y a une petite phase de gameplay, de démonstration. Ça, rien que déjà à l'heure actuelle, ils s'en sortent plutôt pas trop mal. D'accord. Bon. En tout cas, voilà, c'est une bonne porte d'entrée, un bon moyen, je pense, pour eux de s'entraîner et de voir ce qu'il est possible de faire avec la PS5. C'est un premier chausse-pied, mais bon, voilà. Il faut, c'est toujours pareil, hein. Est-ce que ça va se faire remarquer? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va donner envie d'aller beaucoup plus loin? C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Mais bon, pourquoi pas, hein, parce que la plupart des jeux, enfin les meilleurs jeux sur PSVR 2, ce sont des mods, hein, officiels, mais des mods quand même, donc pourquoi pas. Donc voilà, c'était pour la petite news, en tout cas les premières avancées de Flat2VR dans le domaine de la console. Pourquoi pas? Ah bah, si c'est la première étape et que la seconde c'est un Robocop, ouf! Ouh là T'emballe pas, Coco, t'emballe pas. là! Non, celui-là, je pense qu'on peut l'attendre encore un petit peu. Mais oui, pourquoi pas. Le chausse-pied. Ensuite, exactement, ensuite. Et ensuite, voilà, bah, on a sorti une petite vidéo dernièrement où j'évoquais les quatre nouveaux jeux qui vont jeux en physique qui vont rejoindre la collection. On atteint maintenant plus d'une trentaine de jeux en boîte. Donc là, c'est surtout le petit point collectionneur. Donc dans ceux qu'on était au courant, et puis on va commencer par là, il y a OVR Dark qui va être voilà, édité par Tezula, donc éditeur espagnol bah, comme le jeu. Bah, Tezula a la particularité de faire d'excellentes éditions, on va dire limite collector, hein, on peut même pas appeler ça des éditions spéciales, parce que on a souvent un fourreau avec... pas un steelbook, mais on a un artbook, l'OST. C'est relativement complet. Voilà, c'est à l'intérieur. On a un petit peu plus qu'une édition spéciale. Donc, je suis vraiment curieux de. Et puis, c'est pas cher. C'est pas spécialement cher pour une édition aussi complète que Ça a comme ça. combien? Il n'y a toujours pas de prix. Ah, Ils sont donc on n'en sait rien pour le moment très. quoi. Alors, on sait que l'édition arrive. Mais bon, donc l'édition standard, ça, elle coûtera à peu près peut-être un petit peu plus cher que le jeu en digital, ou alors le même prix. Mais pour ce qui est du contenu de l'édition spéciale, parce que je pense, ça c'est pareil, hein, c'est de la supposition, mais en général, chez eux, ça fonctionne par deux. Donc il y aura une édition spéciale, et puis elle sera, je pense, voilà, remarquable. Ensuite, nous avons Metro Awakening, qui va avoir lui aussi normalement sa petite édition. Il y a également, alors là c'est pareil, c'est un vieux jeu qu'on a testé et retesté, c'est Last Labyrinth, donc qui est édité par Strictly Limited dans sa version boîte. Donc il y a une standard, une édition collector, et puis c'est pareil, hein, la totale, hein, artbook, pas de steelbook, puis 2-3 goodies à l'intérieur, voilà. Un petit peu plus cher, hein, là par contre, hein, on tape déjà dans l'édition collector, on est à 60 euros déjà, sans compter les frais de port et puis et d'autres trucs, voilà. Ouais, ok, c'est un peu rush quand Donc même pour. Enfin, même si c'est un peu rush. c'est une version boîte un peu plus, c'est ça que c'est un peu rush pour un jeu qui est déjà sorti sur PSVR, quoi. Bon. Ouais, surtout que c'est pas celui qui s'est fait le plus remarquer par sa réadaptation sur PSVR 2. Donc voilà, hein, c'était pas non plus la folie furieuse. Et puis le tout dernier, alors lui, voilà, hein, j'en parle en dernier, c'est pas pour rien, mais c'est Captain, alors attention, nom à rallonge, Captain Toonhead versus The Punk from Outer Space. Waouh! Ça La donne grosse envie. référence au cinoche des années 60-50. Ah bah arrête, il y a encore des films avec des titres comme ça qui sortent encore aujourd'hui, hein. Ah ouais, c'est de l'indé, hein. Bon. Ah, c'est de l'indé, du nanar bien chargé qui tâche. Hein. Donc, un Tower Defense qui avait déjà fait parler de lui à l'époque du PSVR. Et bah, il pouvait ne pas sortir, hein, évidemment. On pouvait ne pas l'avoir. Donc, On pouvait voilà. Hein, passer à c'est un... côté. on peut, faut... Non, non, non, parce qu'on aurait vraiment raté quelque chose, je pense. Oh. Et puis, bah, pour faire dans l'original, bah, voilà, hein, c'est du Tower Defense. Hein. Simple et coloré, avec bah voilà, avec des petites armes, hein, donc très très variées, des piñatas catapultes, des lanceurs de feux d'artifice, ou encore bah, t'as des pistolets de sauce épicée. Voilà. Tout un programme. Très bien. tu nous l'as vendu, ce truc. Ça donne envie, hein. Et ah ouais, attends, c'est pas fini. Bon, je l'ai, moi perso, je l'ai précommandé, hein, parce que bon voilà, j'ai la maladie, mais ça coûte quand même 56,65€ sur Amazon US. Waouh. Ok. Bon, c'est voilà. La passion, la passion, comme dirait Majo. La passion avant tout, hein. Mmh. Vraiment de l'envie et l'envie, hein, de proposer voilà des expériences toujours aussi enrichissantes. Voilà. L'envie de se faire pigeonner. Merci El Roco en tout cas pour ton sacrifice. Et puis tu nous diras ce que ça donne du coup. Bah écoute, ouais, on verra. On verra bien. Et puis voilà. Bon bah je pense qu'on a fait à peu près le tour là du coup. En news. Ouais. Bah ouais, hein, je crois que je suis. Là je suis sec. Hein. T'es sec. Physiquement. physiquement et puis. Et au niveau de l'alouette. Et au niveau des news, bah après, voilà, hein, c'est pas forcément des. C'est toujours pareil, hein, c'est dilué dans le flot voilà, des réseaux sociaux, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus remarquable, remarquant. Ouais, puis bon, on n'est pas exhaustif non plus, on s'en fout, on est que deux, on fait l'émission à la Zob, et puis voilà, vous savez exactement comment ça se passe. Exactement. Et puis, vous ferez pas Paris-Marseille. Hein. Les trucs qui se cassent la gueule, tout va bien, voilà, allez, parfait. Et bah du coup, ce que je te propose, c'est qu'on continue avec les tests. Oui, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, ils sont au nombre incroyable de 4. 4 Bah ouais. Ah oui, 4, exact. Et, tu sais, quand on a fait les préparations de l'émission, ça a duré à peu près 15 secondes. Tu vois, on avait fait la liste. exact, oui, 4. Voilà. 4. Et du coup, alors est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux te me réhydrater? Oui. Ou te réhydrater. Et comme ça, bien. Comme ça, tu commences. Après, je passe et puis après tu finis. Ça te va? Parce que on va être très clair, ces dernières semaines, il y a que toi qui a bossé sur le site, hein. Quasiment. Ah. Mais oui, mais c'est du plaisir, c'est du bonheur. C'est du bonheur. C'est... Bon, pas toujours, hein, mais parce que voilà, hein, j'ai pas testé que des bons trucs. Mais voilà. Mais il y a de la surprise, il y a de la déception. Mais et puis de la très belle surprise. Bon. Je te laisse hydrater. Une petite réflexion derrière. Bon, à voir. Putain, mais arrête de teaser la boîte à flotte là, et puis comme ça tu pourras commencer ton putain de test. Tu veux commencer par lequel surtout, parce que je connais. Oh là là, la patience, les anciens. Ouais, moi je suis bientôt mort, hein, j'ai pas que ça à foutre. Hein. J'ai pas de temps à perdre, moi, monsieur. bah moi j'aime bien à la rigueur commencer par le moins bien. Ouais. Et terminer voilà, à y aller crescendo et terminer par une petite note positive. Fort bien. Alors, tu veux commencer par lequel? Bah, la déception. Sul Covenanto. Sul Covenanto. Bah ouais, petite déception parce que là, celui-là, mine de rien, on l'attendait. Mmh. Donc le petit famoso JRPG d'action jouable en coop jusqu'à 4 du studio Thirdverse. Mmh. Très visual novel, voilà, très visual novel japonais, un style qu'on n'avait pas non plus, qu'on n'a pas l'habitude d'avoir voilà, sous un casque, hein, et à part certaines licences, il n'y a pas grand chose, ça sort pas du lot, même en plat. Donc, mais ce Sul Covenant, il avait une petite caractéristique assez futuriste, qui est assez très Évangélion, donc ça titillait la rétine et il avait l'air d'être super beau. Mmh. Ou pas, pour alors, le speech. Alors on l'attendait sur la base de pas grand chose quand même, parce que le teaser, on se souvient à l'époque, t'avais à peu près que dalle. Bah t'avais 20 secondes de teaser. Mais 20 secondes de teaser, quoi. Donc voilà, ça allait pas être bien long. Ouais, mais 20 secondes où ça montre ce qu'il y a à montrer, bah, on pouvait déjà voir que c'était dynamique, que bon, c'était très japonais, qu'il y allait y avoir voilà, du blabla, de la narration. Mais bon, c'est toujours pareil. On se demande, est-ce qu'il va y avoir une pincée de ci, une pincée de ça? Est-ce que ça, le mélange va bien prendre et être équilibré? Bah, malheureusement, c'est pas trop ça. Bon, bah, okay. Niveau scénario, Alors on a, c'est du classique, hein, du manga qu'on connaît bien, mais qu'on aime bien. Donc un Tokyo post-apocalyptique où c'est la dernière civilisation, bien évidemment, humaine. Parce que le monde bah, a été on va dire, pris d'assaut par une intelligence artificielle du nom d'Adam, qui a décidé bah, de devenir tout simplement le dieu, d'être le dieu sur Terre. Et pour lui, dans sa conception d'être un dieu, bah, c'est d'éliminer, c'est d'être forcément tout-puissant et d'éliminer tous ceux qui se dressent sur son chemin. Donc voilà, c'est très clair et net. Et pour ce faire, il a une armée de robots. Les Deus Ex Machina et qui ont un design très humanoïde. Bon voilà, seulement bah, la tête, elle est au niveau du cucu, le cucu, la tête, les bras un petit peu D'accord. ballants. Il y a quand même une variété quand même d'ennemis. Donc t'as des volants, t'as ceux qui rampent, t'as des boss, des choses comme ça. Au niveau du design des ennemis, c'est un mélange, j'ai l'impression, entre Ghost in the Shell et puis Bayonetta un peu quand même. Ah ben on est oui carrément Ghost in à the ce Shell niveau-là. pour les petits robots, on dirait un peu les robots, je sais plus comment ils s'appellent, qu'il y a surtout dans Standalone Complex. Et puis les mini-tanks en fait, très ronds et très mignons. Et puis au niveau des ennemis un peu plus grands, tu dis il est où le cucu, où il est à la tête, ça fait vraiment penser à Bayonetta quand même, très Ouais, blanc, très. c'est bah c'est ça reste à la fois c'est robotique mais assez très humanoïde et Robotique et assez en même temps, malsain. et un peu dégueu, voilà, c'est ça. Très, très malsain, un peu comme bah, tout ce qui est Silent Hill et tout, ça, c'est justement ce qui faisait la force, hein, c'est des créatures, ça, l'aspect d'humain, il y a des morceaux d'humain, mais c'est pas du tout humain, quoi. Et donc voilà, t'as l'invasion, je reprends, des robots, de l'intelligence artificielle qui veut rayer de la carte l'espèce humaine. Et nous, bah, on est qui? Alors en fait, on va incarner un clone qu'on appelle Avatar et qui va recevoir en fait l'esprit qui a été enregistré d'un ancien combattant qui est mort au combat. Et on va te sortir de ta cuve à la Dragon Ball, tu sais, on te sort de ta cuve parce que voilà, l'être humain a succombé. On te met ses souvenirs dans ta tête, on efface ta mémoire. Voilà, donc une petite histoire où apparemment t'as l'air d'être déjà de base quelqu'un. Donc tu sais pas trop, mais bon voilà, on s'encombre pas du superflu, on t'arrache la mémoire, on te met celle-là parce que c'est celle d'un combattant, donc tu seras beaucoup plus utile. Et la particularité du jeu, là où ils se vantaient, les développeurs, c'est que, et c'était, je trouve, une bonne idée, c'est que le corps des combattants qui ont succombé, bah, ce sont tes armes, en fait. Donc tu vois que tu as une épée, et quand tu observes attentivement l'épée, bah, tu vois. Alors c'est une épée très Monster Hunter, tu vois, donc t'imagines vraiment les grosses Truc qui très font. gros quoi. Voilà, les trucs vraiment hein, qui font 2 mètres, 2 mètres 50, et tu vois en fait que l'épée, bah, il y a une cage thoracique en fait à D'accord. l'intérieur, D'accord, c'est donc sympa. qui recouvre. Et puis quand tu actionnes le sense, bah, tu peux passer d'une épée entre guillemets courte de 2 mètres, mais qui peut passer à 2 mètres 50, 3 mètres, et t'as une faux en fait. Et toujours pareil avec, bah, tu vois des morceaux, hein, tu vois Des un bouts de morceau colonne d'os, vertébrale. la colonne vertébrale qui s'étend, et franchement c'est joli visuellement. Tu vois, ça déjà le jeu est beau. C'est déjà on va dire un bon point. Après c'est relatif, parce que ça va être un jeu donc de combat en arène, où tu vas avoir essentiellement des vagues d'ennemis qui vont t'arriver sur la gueule. Et il va falloir voilà, nettoyer la carte, ou plutôt l'arène, hein, la zone. Hein. Et sans quoi t'avances pas. Au niveau du gameplay, alors au début c'est assez sympathique parce que t'as vraiment cette sensation de faire mal. T'as des effets visuels à chaque fois que tu mets un coup et Des tout. T'as effets les ennemis qui d'impact. passent. T'as des effets d'impact, mais t'as pas la sensation d'impact. C'est justement ça le plus gros défaut, et là où bah, il y a le second défaut qui va arriver après, c'est que tu te rends compte que tu fais que ça en fait dans ce jeu-là. C'est C'est que un jeu en fait, t'es t'arrives dans une arène, tu défonces tous les ennemis, t'avances. En gros, c'est ça, hein. ça et ça blablate, donc attention machin et tout, on va affronter ci ça ça, Parce que tu, en fait, dans ce jeu-là, comment le jeu s'articule, c'est t'es dans une sorte de, comme dans Matrix, où t'es dans un espace qui est imaginé, en fait, et t'es dans le cerveau des souvenirs. Voilà, t'es au niveau des souvenirs. L'interface, c'est ça. Et tu actionnes l'interface, tu as une séquence de blabla qui est le scénario. Donc, c'est un peu le scénario qui t'est expliqué dans un espace qui est VR avec des projections d'écran plat où voilà, tu as la voix off qui t'explique voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça, blablabla. Bla, bla, bla. Fin du scénario, tu actionnes, ça te débloque la phase d'action qui est vraiment la phase de gameplay en VR où là, bah, ça va être soit tu arrives dans une arène. Tu shootes tous les ennemis et tu avances même jusqu'à arriver à un boss. Tu dégommes le boss, hop, ça se termine et refasse de blabla. Exactement pareil. Donc Visual dans un novel. environnement. Visual novel. Visual novel, C'est le voilà. côté, voilà, si t'aimes pas attendre et puis lire et écouter, parce que le jeu est pas en français, si? Alors le jeu, il y a deux doublages. T'as le japonais et l'anglais. Et t'as tous les sous-titres européens. Donc français. Avec donc t'as voilà t'as le français. Mais par contre le truc alors tout ce que tu peux suivre et de manière attentive c'est uniquement les phases non gameplay là où tu joues pas où il y a que la voix off qui t'explique et t'as juste à regarder et un peu voilà c'est là où ça pêche un peu c'est que les sous-titres ils sont trop bas donc ça dégage du sweet spot et bah, soit tu inclines un petit peu plus le casque et c'est voilà c'est un peu plus net mais sinon c'est un petit peu galère à lire D'accord. et bah ça blablate ça blablate ça blablate et tu as aussi pendant les phases de gameplay du blabla donc c'est soit tes coéquipiers qui bah, en plus qui te balancent des informations qui sont importantes tu vois parce que c'est ça développe vraiment le personnage dont tu as les souvenirs. Et je pense que c'est ça, bah mine de rien, tout l'intérêt du jeu, c'est de savoir vraiment ce qui s'est passé et ce qui se passe en fait, qui tu es, qui est le personnage qui est mort, C'est le genre de tu vois. détails en fait sur lesquels faut pas forcément passer quand tu joues. C'est le syndrome un petit peu S-Combat. Ce que j'appelle le syndrome S-Combat, c'est que ça blablate tout le temps dans S-Combat, que ce soit dans les briefings au départ, très bien, tu peux suivre les briefings et c'est en anglais, mais tout est traduit. Et puis une fois que tu es en mission, ça blablate tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est là en général que les petites subtilités du scénario apparaissent pendant la mission. Et toi, tu as autre chose à foutre que de lire des sous-titres justement pendant que tu es en train de faire des gunfights. Enfin, Et bah surtout que c'est nerveux. Et en Et pleine surtout que action. c'est nerveux. Et que surtout que voilà, faut, ça joue sur le réflexe et sur la nervosité des combats, comme dans les Ah combats. ouais, Et ça blablate, et tu perds des trucs. Et du coup, à la fin, tu te retrouves à la fin de la mission en sachant pas ce qui s'est passé. Tu Ah ouais, comprends parce pas. que c'est le truc, le mec te blablate, et à la fin, quand t'as déglingué le boss, limite, il t'insulte, tu vois. Il te dit des trucs, putain, bordel, même quand t'es morte, même morte, tu nous casses les pieds et tout, machin. Mais quoi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raté un J'ai truc. rien fait, Mais moi. j'ai rien fait. J'ai rien fait, j'ai surtout tout fait, parce que ça, il y a un autre problème aussi dans le jeu. Mais bon, au niveau du gameplay, donc, surtout combat à l'épée, à force d'enchaîner, de shooter les ennemis, t'as des points d'adrénaline que tu collectes avec ton bras gauche. Et le bras gauche, t'as un canon un petit peu à la style Megaman, où là tu envoies une rafale, voilà, un tir concentré, un rayon. Voilà, un peu à la Iron Man. Et t'as un bouclier aussi, que tu fais, un bouclier énergétique qui apparaît temporairement. Tu vois, donc il faut vraiment l'utiliser à bon escient, au bon moment. Et l'effet, c'est toujours saisissant, tu vois. Donc en termes de gameplay, c'est très nerveux. C'est un petit peu exigeant parce qu'il faut que tu surveilles, hein, mine de rien, ce qui se passe autour. C'est un petit peu élaboré quand même, j'ai l'impression aussi. C'est Quand même, mine de élaboré, rien. mais t'as pas de retour. C'est hormis le gros canon que tu actives, que là il vibre, t'as le sense qui vibre, t'es vraiment dedans, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand tu donnes des petits coups d'épée, franchement, mais en T'as pas de combat, au départ, sensation, c'est dommage, ça zéro. c'est un truc encore que certains développeurs arrivent pas trop à maîtriser justement dans les combats à l'arme blanche. C'est l'importance de l'impact. Alors on sait très bien que bah, sur les jeux de survie encore c'est un peu plus simple. Quand tu regardes des jeux comme Saints and Sinners justement, quand ça rentre dans la chair de l'ennemi, Tu, ah ouais, sens, là, mais là, tu le sens parce qu'il y a une inertie. Dans certains jeux qui sont un peu plus arcade et qui sont un peu plus qui fonctionnent un petit peu mieux au niveau du ressenti des armes blanches, t'as un petit effet de ralenti à l'impact pour te montrer que la lame, bam, ouais, tu vois, elle tape sur quelque chose, et ton cerveau, lui, il prend ça comme voilà, un coup puissant en fait donné à l'ennemi. Et là, a priori, il y a pas ça. Ça fait vraiment penser en fait au vieux jeu justement en VR que t'avais, où t'avais juste à gigoter comme ça ton... Exactement, c'est ce que j'allais dire, parce qu'au bout d'un moment, tu branles le sens, quoi. Et puis voilà. Et ça fonctionne, et ça fonctionne, et tu fais les meilleurs scores. Ouais. Mais c'est... Enfin, franchement, c'est abusé. C'est un peu dommage. C'est pas comme s'il y avait eu Swordsman qui n'était pas passé par là, quoi. En termes de combat à l'épée et tout. Enfin, je sais pas. Surtout que franchement, c'est dommage. Parce que t'as même des petites subtilités de gameplay, mine de rien, où tu sais, t'as les ennemis qui sont un petit peu en une phase d'agonie, tu vois, quand tu leur as éclaté la barre de vie, donc ils sont un petit peu à ta merci, et tu peux les shooter un petit peu limite au club de golf, tu vois, avec ton épée, et puis les balancer sur les ennemis aux alentours, tu vois, donc et leur faire des dégâts. Et donc, mine de rien, il y a quand même, c'est pas simplement un jeu qui dit bon, on va faire un petit peu de ci, un petit peu de ça, et puis voilà, pout, pout, pout, voilà, c'est joli, ils seront contents. Non, il y a quand même des mecs qui ont eu des idées, quoi. Mais on va dire que le gameplay, il a pas été, t'as l'impression qu'il a pas été jusqu'au bout. Et quand t'as un gameplay comme ça qui, mine de rien, est exigeant parce qu'il faut avoir un petit peu le regard partout, être vigilant, bah, et qu'est-ce que t'as du blabla en prime. Et tu passes à côté de tout, quoi. Tu passes à côté de tout. Et puis, bah, c'est là que, mine de rien, t'as l'impression au bout d'un moment que tu fais toujours la même chose. Et bah, tu t'emmerdes. D'accord. Non, mais ça clairement, mérite d'être clair. Surtout, moi perso, j'ai fait 2-3 heures de jeu. Et j'ai franchement eu l'impression de faire toujours la même chose. Alors, toute le moment où tu es. Je sais pas s'il y a l'histoire qui continue en dehors de l'interface avec tes souvenirs, tes trucs comme ça, parce que c'est un petit peu le tuto qui a rallonge. Dis-toi que pendant 2-3 heures, on me donne au compte-goutte les subtilités du jeu. Donc on me dit, ah bah tiens, tu peux faire évoluer tes armes en dépensant les points que tu accumules à chaque fin de run. Ah bah très bien, ok. Par contre, c'est pas visuel. C'est uniquement au niveau des stats. Donc tu vas taper un peu plus fort, tu augmentes la vie de ton personnage, tout ça. Mais c'est très léger. C'est très très léger. Et j'ai peur que t'as pas la patience. Enfin, même moi, qui suis extrêmement patient, j'ai pas eu envie d'y retourner. C'est un jeu, déjà, faut aimer, je pense, le visual novel aussi pour, pour toutes les parties blabla qui sont... On l'a déjà dit, hein, quand t'es sous le casque, toutes les parties un petit peu narratives, si la mise en scène est un peu pas trop inspirée, un truc qui dure 30 secondes, t'as l'impression que ça dure 5 minutes, quoi. Tu lâches vite l'affaire, quoi. Quand t'es sous le casque, en fait, le temps se rallonge, en fait, sur certaines phases de non-gameplay, on va dire. Mais j'ai l'impression, heureusement, on peut parler aussi du design des personnages non joueurs, disons, permet de faire patienter un peu plus facilement, non? Ouais, bon, ils se sont un petit peu laissés aller, quoi. Bah, y a énormément de choses qui n'existent pas dans le monde réel, hein, sauf grâce à l'évolution de la science et de la chirurgie esthétique. Ouais. Mais bon, oui, il y a les... Et de l'ingénierie aussi, des armures qui, plus elles sont moulantes et fines, plus elles protègent, quoi. Et ça, plus elles protègent, ouais. Mais franchement, c'est il connu, faut être ça. À l'aise, hein. C'est connu. Tant médiéval, on avait de bonnes protections, mais on avait du mal à bouger. Ça, elle bouge mieux. Mais le problème, c'est quand t'as de la matière au niveau des articulations, après, c'est vrai que t'as du mal à te bouger, donc autant le virer, voilà. En fait. Ouais. Et puis le métal, non, trop lourd. Que du trop cuir. Lourd. Cuir. Du cuir. Que du cuir. Du cuir, des ficelles en cuir, du cuir. Du cuir, ok, bon. Donc voilà, et puis en l'espace pareil de 3 heures, il n'y a eu que deux modes de jeu, où tu as de la défense, où tu dois protéger une structure, et tu as les ennemis pareil qui arrivent par vague, et c'est là que... Alors, t'es avec tes partenaires qui bougent un petit peu plus ou moins partout, mais c'est là que tu te rends compte que même l'IA, elle est complètement. Ils ne servent à rien. Ils ne servent strictement à rien. C'est à vous, à la rigueur. Quand tu les regardes, en fait, c'est quand tu les regardes, t'as l'impression qu'ils savent que tu les regardes et ils se disent putain, faut absolument que je fasse un truc. L'IA fumiste. Je vais aller là-bas. Ça, c'est le eye tracking, ça, tu vois. Ils savent que tu poses ta pipi dessus. Là, je vais faire un coup d'épée, ça tient, vas-y, prends ça. Eh, regarde, t'as vu, je tape, hein. Ah ouais, tu l'as raté aussi. Oh, allez, je peux pas tout faire, hein, c'est bon. Non, mais le foutage de gueule. Enfin, c'est là que je me suis dit merde. Dommage. Bon parce design, bonnes idées au niveau du design, au niveau de l'ambiance. Le jeu est pas vilain. Cette histoire d'armes, en fait, qui viennent des cadavres de tes anciens clones, c'est quand même cool. Ouais, enfin, je veux dire, c'est original au moins, même si c'est un peu glauque. Après, l'originalité, elle est pas énorme. Hein. Il y a 4 armes différentes. D'accord. Ouais, mais bon, ça a le mérite de proposer. Ça fait penser à Soul Sacrifice un peu. Les armes. C'était pas dans Soul Sacrifice. Souvenez-vous, la PS Vita, on est dans des podcasts à thème sur la mort des machines prématurées. Avec le PSVR2, Soul Sacrifice, t'avais aussi des armes, il me semble, qui étaient un peu qui étaient un petit peu biologiques, quoi. Ouais, c'est organique. Organique, voilà, un peu. Ouais, alors je n'ai pas fait Soul Sacrifice, je n'avais pas de Vita, enfin je n'ai pas de Vita, mais bah oui, mais je peux pas être partout. Je peux pas être partout. Mais ouais, ça fait penser un peu ça. Mais dans le délire, ouais, je vois, mais ouais, c'est toujours ça. Mais encore, c'est un peu plus. Soul Sacrifice, ça a l'air d'être un petit peu plus cher. Il y a un peu plus de viande. Il y a un peu plus de alors viande. Alors que là, c'est très squelettique. Après, je n'ai pas débloqué les autres armes parce que voilà, c'est une arme, c'est un ennemi qui est tombé, quoi. Donc, et si tu. Pour les débloquer, je pense que. C'est là que je me dis que le jeu, en fait, il risque d'être toujours pareil. C'est qu'il va falloir que tu t'imprègnes des souvenirs d'un autre personnage. Donc, en gros, le jeu, il tourne que dans ta tête. Tu vois, tu vas pas à l'extérieur, tu évolues pas. Bof, hein. bof. D'accord. Donc, sur les 3 premières heures, en tout cas, voilà, faut s'accrocher, quoi, on va dire. Faut s'accrocher. C'est. Au début, tu dis, ah, putain, c'est pas mal. Et après, c'est. Ouais. Mais. Après, c'est. D'accord. Bon, tu lui mets combien d'osselets sur 10? 5. Hein. 5? Putain. 5. Ah ouais. 5, 6. Baf. Le truc, c'est. Si l'emballage est ok, mais que le jeu il est. Chiant. Il est raté. Chiant quoi. Normalement, en vrai, c'est chiant. Je sais pas, moi j'ai un jeu où je me fais chier, j'ai du mal à lui mettre 6. Hein. Marc, t'as toujours aussi ce syndrome un petit peu des jeux visual novel avec ambiance manga qui sont parfois même tirés de séries existantes, enfin de licences existantes. Il y a des gens, et qui coûtent cher en plus en règle générale, ces jeux-là, où des fois t'as même zéro gameplay. Mais c'est juste du scénario parce que ça t'apporte un truc en plus et inédit c'est que t'as blabla. Pas ailleurs. Et ces jeux ont leur public et ces jeux et j'ai l'impression que ce jeu-là, malgré ce que tu dis, quand même propose un gameplay et des phases de combat, même si elles sont un petit peu foireuses au niveau des impacts, qui sont quand même assez élaborées. Donc ouais, mais c'est le truc. Ouais. En visual novel, qu'est-ce que là de mémoire, on a Dyschronia. Qui arrive alors qui est moins joli visuellement mais par contre en termes de plus posé en termes de gameplay et tout c'est beaucoup moins nerveux mais par contre la narration tu la suis tu vois t'as aucun souci pour suivre la narration et puis t'as suffisamment on va dire de motion gaming de trucs comme ça toujours dans ce rythme un petit peu posé même si t'as des phases d'infiltration des trucs comme ça mais t'as jamais l'un qui empiète sur l'autre, en fait. Tu n'auras jamais la narration qui va venir t'emmerder. Voilà, ce sera toujours stoppé. Et c'est le personnage qui va bouger pour toi. Tu ne fais rien. Mmh. Juste, tu suis. Comme si tu lisais ton manga. Mmh. Et puis, The Tale of Onogoro, qui, lui, c'est pareil. Il était mi-figue, mi-raisin graphiquement. Il y avait des trucs jolis, un peu, et d'autres moins jolis. Mais c'est pareil. Tu avais de la narration. Le personnage était stoppé. Mmh. Et... La gonzesse, même si elle t'emmerdait parce qu'il fallait la protéger, ça a été mine de rien relié avec un boulet. Elle t'emmerdait pas plus que ça à dire oui, alors mon histoire, j'étais chez ma grand-mère, il s'est passé ça. Non, mais c'est bon quoi. Donc là, c'est pari manqué, alors que la proposition était 100 fois plus Alléchante. alléchante au niveau du gameplay. Mais voilà, gameplay raté. La musique, quand même, est plutôt bonne. Et l'OST, ils la vendent, hein, y a pas de souci. L'OST rappelle énormément Zone of the Enders, mais c'est pareil, hein, ça c'est pareil, c'est un jeu. On aimerait bien le retrouver sur PSVR 2, mais sans aucun problème. Il était Parce que sur lui, il PSVR fait. 1, ouais, c'est vrai. Et il était très très bien. Et il était très très bien. En termes de gameplay et tout, machin, mais tu t'éclatais. Il y avait de la narration, mais c'est pareil, la narration venait pas t'emmerder dans ton gameplay. Et voilà, c'est juste le dosage, une pincée de ci, une pincée de ça. Là, on a l'impression qu'il a mis le sel et que blah, le bouchon il s'est barré. Et merde, merde. Bon. Donc non, sous le covenant de déception. Soul Covenant. Et ben voilà, donc du coup, bah à vous de voir hein, si vous voulez mettre combien il a combien celui-là déjà? Attends. Allez, je l'imagine bien à vue de pif, j'ai pas regardé à 54 euros, non? Ah, à 10 € près. Eh, pas mal. Pas mal, ça, 44,99 €. 44, ah, ça va encore. Oh, ça va, c'est pas cher. Ça va, c'est Achetez-le, pas merde. cher. Achetez-le. Non, et d'ailleurs, il est en promo. Si vous êtes abonné PS Plus, il y Déjà? a 10%. Ah bah voilà. Non, mais uniquement PS Plus. Tu vois, c'est les promos abonnés, donc Oui, attention. bon. C'est parce que vous êtes client exceptionnel qu'on vous propose des promotions exceptionnelles. Voilà, Sur des bon. jeux, un petit peu moins. Voilà, bon, et ben du coup, merci mon bon L pour ce test complet. D'avoir souffert. D'avoir souffert. Et ben on va passer maintenant à Mixture. Oui. Encore lui. Mixture, encore lui. Je sais pas, on en avait déjà parlé de ce jeu-là ici. Je crois qu'on l'avait Parce qu'il y évoqué avait vite fait. la version PC et qu'on attendait la version PSVR 2 qui traînait un petit peu aussi. Voilà. Un jeu pour lequel le test arrivera. Le test arrivera sur VR4 Player. Il arrivera. Voilà, je dis pas bientôt, je dis pas plus tard, je dis pas quoi que ce soit. Il arrivera quand il arrivera. Pour Regardez-moi dans provoquer les yeux, il arrivera. provoquer une seconde hype. Ce n'est pas ce test que vous attendez, que vous cherchez. Mais bon, on va quand même. Je commence à y jouer et puis je vais pouvoir vous dire un petit peu ce qu'il en est. En tout cas, vous présenter brièvement. Qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un jeu qui est sorti du coup le 12 avril au prix de 25 euros. 24,99 quoi, voilà. Et qui On n'a rien dit, hein. Ah mais c'est bon, Je ouais. vous ai entendu, je vous ai entendu, bande de casse-couilles. Je vous entends. Hein. Qu'est-ce que vous faites chez moi là? Bon, et donc édité et développé par Played with Fire, qui est un studio Oui. qui est connu pour avoir fait un petit jeu sur PC, Stargaze, je crois il s'appelait, il me semble, qui était un jeu un petit peu, un petit peu zarbi. Voilà, on va dire que c'est leur premier gros jeu, on va dire un petit peu plus Moins étoffé. Arby. Un peu moins Arby, en tout cas plus dans les codes. Qu'est-ce que c'est donc? C'est un jeu de plateforme. C'est un mélange de plein de trucs en fait. C'est un mélange de boss un peu. Parce que tu vas incarner en fait une espèce de divinité qui va surplomber ton petit personnage principal que tu vas diriger aussi. Oh. Donc voilà, on contrôle un alchimiste. Là, ça fait un peu penser à Amos, avec le compteur. Qui s'appelle Sephairos, et donc on sera accompagné par le chevalier papillon de nuit d'acier Sola. Donc en fait, c'est un phalène, hein, c'est l'espèce de papillon de nuit à la con là, que tu trouves l'été là, qui rentre chez toi et que tu n'arrives pas à te débarrasser quand il est en train de se balader dans ton salon là, qui s'est pas volé, ça se tape de partout, ça te tombe dans les cheveux, bref. Et ben voilà, ça c'est ton personnage. Très bon choix. Très bon choix. Un peu plus dégourdi, apparemment. Carrément plus dégourdi et surtout, contrairement à Moss, où j'ai quand même pas mal de parler de Moss, hein, et faire référence à ce jeu-là, parce que c'est quand même bon, la même référence temps, Moss. Voilà, il fait plus que s'inspirer en même temps. Voilà, et contrairement à Moss, où la petite souris et puis le personnage qu'on incarne s'entendent plutôt bien, hein, ben là, ils peuvent pas se blairer. Ils passent leur temps à se menacer. Le papillon se rebelle beaucoup aussi. Et donc du coup ça donne une ambiance un petit peu différente, justement un peu moins gentillette que Moss, et du coup que j'ai bien aimé parce que c'est un petit peu plus combatif au niveau de la relation entre les deux personnages. Mention spéciale pour le design des armures des personnages qu'on peut croiser dans le jeu, que je trouve magnifique, mais vraiment j'adore le design justement du Fallen, du personnage papillon, je le trouve ultra classe. T'as d'autres personnages qui font un peu penser, tu sais, au... c'est toujours des références à des insectes. T'as des scarabées bousiers, t'as un autre truc, tu sais pas trop exactement ce que c'est. Ça fait un petit peu penser aux armures que tu peux trouver dans Stargate, tu vois. Un petit peu, c'est très élancé, c'est très classe en fait, tout simplement. Au niveau c'est travaillé design. Quoi. C'est très travaillé. La cape avec les ailes, justement les ailes du papillon de nuit qui lui fait une cape derrière, voilà, ça marche super bien. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé le design des persos. Un petit peu moins du jeu globalement, parce que on est sur un jeu qui est quand même très très épuré. On est très très loin de Moss justement, encore lui. Au niveau des graphismes, c'est des aplats de textures très très simples. On sent que c'est un jeu qui sort de l'autonome, clairement. Mais qui n'a vraiment pas été retravaillé pour le PSVR 2, si ce n'est dans des petites parties techniques où il y a des effets de fumée peut-être supplémentaires, des petits effets de lumière. Ah, mais... Des petites particules supplémentaires. Ouais, mais encore, et encore, tu vois, j'en suis même pas certain. Et j'ai remarqué, et donc il y a des ombres portées, là je parle vraiment du côté technique, hein, chiant, mais tu as des ombres portées par exemple au sol qui sont absolument atroces, hein, c'est vraiment des ombres qui sont très low def quoi. Et ah d'accord, c'est le fameux rond où il y a une projection quand même. Non, c'est pas le fameux rond, on n'est pas sur Resident Evil 1, mais c'est les tu vois les espèces d'ombres portées de Gran Turismo 4 sur PS3. Pas du tout. C'était des escaliers. C'était des escaliers en fait, et que c'était absolument atroce, et que t'avais un jeu magnifique avec des ombres absolument dégueu. Et bah là, mais elle sweeper. Ou elle sweeper. Ou elle sweeper aussi avec voilà. Elle sweeper. Oui. T'as une ombre, mais l'ombre détaillé, mais escalier. Ultra moche, escalier. Vraiment ultra moche. Voilà, bon, ça reste des ombres, donc c'est pas grave. Par contre, le problème, c'est que des fois, quand elles sont portées d'un petit peu loin, elles ont tendance à provoquer quelques bugs. À provoquer quelques... des morceaux qui s'étalent pas correctement, quoi. Voilà, pour l'avoir justement testé sur PC et avoir essayé la version PSVR 2 derrière, je me suis rendu compte qu'il y avait des espèces de petits glitches en fait, de petits artefacts graphiques que tu avais sur certaines surfaces que j'avais pas vu en fait sur PC, qui sont liées notamment à ces ombres. Des fois tu te rapproches en fait de certaines surfaces et tu vois que t'as un petit glitch en fait de texture sur certaines surfaces, très très bizarre. Alors ça va certainement être patché rapidement, si c'est pas déjà le cas d'ailleurs depuis. Donc il y a ça, et au niveau de la technique aussi, au début on commence dans une espèce de cave, et j'ai remarqué que, c'est un truc aussi que j'avais pas vu sur le PC, c'est que l'écran OLED du PSVR 2 fait ressortir certains manques de profondeur en fait, et de... je sais pas comment je vais pouvoir expliquer ça. Ça fait des taches. C'est très sombre, et ça fait des taches, et des aplats si tu veux, entre les parties très très noires et les parties un petit peu grises, si tu veux. Au lieu d'avoir les couleurs qui vont de gris à noir progressivement, et ça va faire des espèces de ronds bizarres tout autour. Ouais. Et sur la vois très bien. Et sur la vidéo qui est en train de passer là sur l'émission, ça se voit vraiment. Mais en fait, sous le casque, c'est pareil. C'est-à-dire que quand c'est noir, en fait, normalement le OLED devrait apporter un noir très profond. Bah là, non, normalement, c'est le meilleur. Hein, mais... Bah là, ça fait bleu marine. ça fait bleu marine, et du coup t'as, c'est super chelou en fait, t'as l'impression que qu'il y a un gros problème de calibrage au niveau de la colorimétrie dans le jeu, voire même des espèces d'effets de fumée que tu peux avoir surtout au début, qui donnent un effet comme si le jeu, ce que tu peux voir dans des jeux modés mais mal modés, tu vois, où t'as, un décalage entre ton œil gauche et ton œil droit. Enfin bon, je lui fais pas un portrait très très reluisant pour le moment, mais je commence par le pire, hein, on va dire. Oui, de toute façon, on a dit qu'au niveau des tests, on montait crescendo. Hein. Donc du coup, voilà, techniquement, c'est pas ouf, et j'ai l'impression que l'écran OLED du PSVR 2 refait sortir encore plus les défauts du jeu. Tu vois, et côté vraiment limite, c'est un peu dommage. Et j'espère que ça va être patché, si c'est pas déjà le cas, je le répète. Donc voilà. Et ensuite, au niveau du design global, donc voilà, les armures, elles pètent la classe, ça y a pas à tortiller. Les combats, le gameplay. Alors ça, j'y reviendrai après. Après, au niveau du pour continuer sur le design un petit peu global, voilà, on est sur un truc vraiment très très simple avec des aplats de texture très simples. Il y a pas vraiment de détails en fait. C'est simpliste. C'est un petit peu simpliste et c'est un petit peu ce que je lui reproche, même dans les décors qui sont un peu plus loin, qui auraient mérité d'être un peu plus grandiose. Tu vois, on a quelque chose finalement de très pastel, d'un peu vide, voilà, avec un flou au loin, un flou stylistique, hein, c'est pas un flou technique, mais qui est un petit peu dommage. T'as du mal en fait à t'immerger dans ce monde là parce que contrairement à Moss justement qui était suffisamment détaillé pour il était fourni, hein, pour te rendre compte en fait que il y avait l'herbe, les objets un petit peu partout que tu pouvais éclater et voilà. Tout ça te faisait croire en fait que t'étais dans un univers crédible en fait. Et pour l'immersion, c'est très important. Là, je me suis jamais senti immergé dedans. Parce que finalement, t'as l'impression que c'est du décor en carton, quoi. Du décor un petit peu en carton-pâte. Quand c'est un truc comme Tearaway, où c'est voulu et que c'est du carton réaliste, encore à la limite, pourquoi pas. Là, ça fait tout un peu cheap, quoi. Ouais, parce que c'est ça a pas été la volonté, n'a pas été là quoi pour voilà. Presque tu apporter. Vois, c'est un jeu, même si on critique souvent ce style graphique, c'est un jeu qui aurait mérité presque un petit traitement cel shading. Un petit traitement dessin animé, tu vois, pour pallier justement à ses faiblesses un peu techniques. C'est un peu dommage. Donc voilà, j'ai pas grand chose à rajouter dessus. Il y a des boss qui sont énormes aussi. Le design est un peu particulier, mais bon, ça fait le taf. On aime ou on n'aime pas. Hein. J'ai plutôt apprécié ça. Mais au niveau du design, il y a du bon comme. Le seul problème vraiment, c'est les décors, quoi. Les décors sont pas ouf. Alors ensuite, au niveau du gameplay, donc comme Moss, on va incarner du coup un personnage omniscient au-dessus d'un petit personnage qu'on va pouvoir contrôler. Et contrairement à Moss, par contre, va y avoir plus d'interactions entre ce qui va se passer à l'écran au niveau des combats ou des énigmes et des déplacements du Fallen et le personnage qu'on incarne. Le jeu s'appelle Mixture en fait, et c'est complètement le cœur du gameplay. C'est-à-dire qu'on va passer notre temps à faire des mixtures à droite à gauche. On va avoir des petits minéraux à récupérer de plusieurs styles différents, et au fur et à mesure de l'aventure, ça va nous permettre de faire des mixtures différentes pour pouvoir interagir pendant les combats. Donc tu vas avoir les mixtures par exemple au début qui collent les éléments du décor ou les ennemis, c'est-à-dire que si t'as un ennemi que tu veux l'arrêter de faire bouger, bah tu fais cette mixture-là, tu lui balances dessus, il va rester collé au sol. Au décor, quoi. Au décor. Ça va te permettre aussi, par exemple, sur le premier boss, de fermer des aérations pour pouvoir faire ressortir d'autres flux d'air et puis lui taper après sur la gueule. Il va y avoir beaucoup, justement, de... Voilà, un échange en fait entre le personnage qu'on incarne et le personnage qu'on contrôle qui est intéressant, mais du coup qui va demander une grosse gymnastique de la tête, hein. Ouais, ah bah oui, parce que tu passes ton temps à cuisiner en fait. À cuisiner en esquivant les ennemis avec le Fallen et en leur foutant sur la gueule en même temps. Ouais, voilà. D'accord, il y a une gymnastique, hein. Il va falloir réapprendre. Alors que ça arrive de tous les sens. C'est vrai que ça va arriver à droite, à gauche, en haut, en bas. Il va y avoir aussi donc sur les boss des zones en fait, des zones à éviter, comme de tous les jeux de plateforme classiques, tu peux trouver en plat ou en VR. Ça change pas. Donc va falloir quand même pas mal réfléchir. Et puis voilà, trouver les techniques et la bonne mixture sur les bons ennemis au bon moment, dans la bonne situation. Tu t'ennuies vraiment pas. Déjà un bon point, c'est que tu t'ennuies pas, mais est-ce que tu t'amuses? Ça, tu mets le doigt sur un truc, c'est que tu t'ennuies pas parce que tu es tout le temps sur le qui-vive, tu es tout le temps à essayer de balancer tes mixtures là où il faut pour essayer de d'aider ton petit personnage. Il y a deux types de visées, tu as la visée pour les hardcore, à la mano, sans aide à la visée. J'ai essayé. Moi, je suis le genre à me balancer les grenades dans les pattes dans tous les jeux en VR. Je suis infoutu de lancer une banane en VR. Alors ça, les poignées de porte et lancer les bananes, ça t'y arrive pas. C'est ma kryptonite, ça, et les fonds marins dans les jeux. Et donc, du coup, il y a quand même une aide à la visée qui est plutôt bienvenue et qui fonctionne, contrairement à la version PC, avec le eye tracking. Donc c'est bien, mais le problème, c'est que ça rend le jeu plus difficile. Parce que du coup, tu dis, t'as ton aide à la visée. Tu vas voir un personnage, un ennemi justement qui est volant et tu veux lui balancer une glu sur la tronche pour qu'il retombe par terre et que tu puisses ensuite le taper avec le phalène. Et le truc, c'est que t'es toujours avec tes pupilles en fait en train de regarder l'action du petit personnage, l'action de de viser ton ennemi. Donc ton aide à la visée, tu commences à viser ton ennemi, hop, tu balances la bombe et sur le phalène. Et là, tu regardes ton phalène et du coup, ça va taper à côté. Ça va pas taper le phalène, ça va juste partir complètement en sucette. Et cette situation-là, c'est un problème que tu n'as pas justement sur la version PC qui n'a pas l'eye tracking, et je pense aussi sur la version Quest qui n'a pas l'eye tracking, parce que du coup, la vise automatique est encore plus assistée finalement. En tout cas, il n'y a pas une marge d'erreur liée à l'eye tracking sur ces casques-là. Donc, c'est une fausse bonne idée un peu. Il y a une tentative, mais tellement que le jeu est nerveux et t'oblige vraiment à gérer plusieurs situations dans une même situation, voilà. Manqué quoi. Un gameplay justement qui met son principe sur le fait d'avoir les yeux absolument partout, tu peux pas te proposer une aide à la visée qui se base sur l'eye tracking, quoi, c'est pas possible. Et t'as pas de strabisme. J'ai pas de strabisme. Mais par contre, ouais, ça peut être vraiment handicapant, parce que donc les ressources, au début ça va, hein, mais les ressources quand même commencent ensuite à être limitées. C'est-à-dire que tu récupères donc du coup tes espèces de minéraux à droite à gauche sur la map pour te faire une réserve. Après tu fais ta mixture, c'est très rapide, hein. Pour faire ta mixture, hein, t'as un espèce de menu radial, et puis tu mets ta main dessus, et puis ça se fait tout de suite, il n'y a pas de problème. Seulement quand tu te plantes une fois, tu tapes dans tes réserves, tu recommences à faire ton truc, tu te replantes, ou alors tu passes ton ennemi, mais en fait t'en as 4 autres qui t'arrivent sur le coin de la tronche. Donc du coup, au bout d'un moment, tu te retrouves complètement à sec de matière première. T'es obligé de regarder, de tourner la tête dans tous les sens pour essayer d'en retrouver. Pour farmer. Pour farmer. Pendant que t'as ton petit phalène qui est au sol et qui essaye de se défendre et que t'essaies de taper dans tous les sens. Le duo de mauvais, quoi. Qui se retrouve dans la merde. Non, mais je te dis, c'est super stimulant. Hein, ça, il n'y a pas à tortiller, il n'y a pas de problème. C'est vraiment très stimulant comme jeu. Tu t'ennuies pas et t'es vraiment... Mais tu rages quoi. Mais des fois ça peut arriver de rager quand même. Tu peux te dire putain, mais. Et en plus, les ennemis, je te dis, hein, ça vient dans tous les sens. Hein, désert, t'as des ennemis qui te balancent des mortiers, t'as des ennemis un peu plus costauds qu'il faut absolument mettre de la glu pour pouvoir les taper sans qu'ils te mettent des gros coups de hache sur la tronche. T'as pas d'autres moyens en fait. T'es secondaire pour les défoncer. Tu peux obligé de les avoir. Tu peux pas bourriner. C'est pas possible. Si tu bourrines en fait, tu meurs très rapidement en fait. Ton personnage, il est quand même assez faible en tout cas au départ. Donc non, tu peux pas bourriner le jeu. Il y a des modes de difficulté, genre le hardcore pour les très hardcore. Je crois pas. Je vais pas te dire de bêtises. Franchement, j'ai pas regardé. Je me suis déjà contenté. Je l'ai pas mis en facile. J'ai pas souvenir d'avoir choisi le niveau. Juste lancé quoi. Mais ouais, pour savoir si c'est genre une difficulté normale ou progressive, tu vois. Et que, un peu comme Moss, hein, qui n'avait pas de difficultés, voilà, que juste les ennemis qui devenaient un petit peu plus balèzes. Parce que la progression. Fallait les gérer d'une manière. La progression, voilà. Et ouais, le parcours du jeu était suffisamment intelligent pour justement pas que tu te prennes un mur de difficultés. Là, tu t'en prends pas non plus des murs de difficultés. Hein. Il y a certains passages que tu vas recommencer, même au début, plusieurs fois, parce que t'as pas tout à fait compris les exigences du jeu, on va dire. Mais j'ai pas l'impression que le jeu soit vraiment punitif. T'as toujours des checkpoints qui sont pas trop loin, donc ça va. Ça va. Ouais, bon, ça va. T'as le droit à l'erreur quand même. T'as le droit à l'erreur. Mais limite, les mecs, ils ont anticipé, ils ont fait ah, il est chaud quand même notre jeu là. Non, mais. Ouais, mais pas pour de bonnes raisons, mais. C'est pas dur. C'est pas dur. C'est exigeant. Toi, tu dois être sur le qui-vive tout le temps. Donc il y a ça. Bon, après il y a les phases de plateforme aussi qui demandent un petit peu de doigté aussi, pareil, parce que par exemple tu as des phases où tu dois sauter de plateforme en plateforme avec des espèces de trampolines en fait que tu dois activer avec ta mixture. Tu as une autre mixture en fait qui t'active en fait le certain trampoline, et tu dois le faire pendant que ton personnage saute. C'est-à-dire que t'avances, tu fais ta mixture, tu diriges en même temps ton personnage avec ton stick gauche. Tu balances la mixture dessus, il se met à sauter, et bah là hop, faut que tu refasses ta mixture pendant qu'il est en l'air, et tu balances aussi sur l'autre plateforme pour qu'il puisse continuer ensuite à aller de plateforme en plateforme. c'est pas un jeu tu mets le soir et tu dis allez, je vais me détendre, on va reposer le cerveau, la vie de rêve. Et ça va bien se passer. Non, c'est pas comme ça. Le jeu il va tout le temps te stimuler quoi, tout le temps. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Mais ouais. Bon, il y a des qualités, mais en gros, le fait que tu puisses galérer au niveau du gameplay, en fonction des options que tu choisis ou quoi, de la facilité à balancer les mixtures à l'endroit précis, ouais, le jeu peut devenir quand même bien galère. Mais c'est pas infaisable. C'est pas infaisable. Mais c'est pas un jeu que tu vas nécessairement sortir... après une journée de taf ou un petit peu compliqué, où t'es complètement crevé, tu vas pas te dire tiens, je vais faire ce jeu là pour me reposer. Non, tu vas pas te reposer dessus quoi. Après il y a un coup de main à prendre, et je pense que tu le prends aussi au fur et à mesure, tu commences à prendre des automatismes et puis à gérer toutes tes mixtures. T'en as plusieurs à débloquer avec des capacités différentes. T'as un système aussi de craft pour ton personnage, pour l'améliorer, pour faire évoluer un petit peu justement le gameplay. Donc c'est pas un jeu aussi friendly que Moss, ça c'est clair. C'est pas un jeu aussi beau que Moss, ça c'est clair aussi. C'est un jeu qui est original dans son univers, qui est pas beau mais qui est pas inintéressant non plus, tu vois. J'arrive pas à être trop sévère en fait sur ce jeu là, même si j'ai commencé vraiment par les grosses tares techniques et puis le côté un peu léger du jeu. Mais il y a un truc derrière. Il y a un truc clairement qui a derrière un côté positif. Mais en gros, est-ce que à la fin de l'aventure, si on le termine, si on arrive à le terminer, est-ce qu'on en gardera un souvenir du genre ah putain, qu'est-ce que j'ai kiffé quoi. Alors, je pense que t'auras quand même une satisfaction de l'avoir bouffé le jeu. De te dire ouais, je l'ai eu parce qu'il va essayer de prendre la boîte, tu la jettes contre le mur, putain, ouais. Donc plus jamais tu y retouches. C'est possible aussi. Non, c'est possible aussi. Non, bah après ceux qui y arrivent, qui ont des facilités dans ce gameplay là, ouais, et qui rebutent pas face à un jeu qui est difficile et exigeant, ouais. Je pense, tu veux, c'est un bon jeu pour les cuistots, pour ceux qui ont l'habitude de bosser en cuisine. De toujours être sur le qui-vive et puis avoir 5000 trucs à faire en même temps, à gérer, à tout vérifier, à tout regarder de partout, comment ça se passe, toi. Le jeu pour éviter le burn-out, quoi. c'est ça. Super. Magnifique. Le bon jeu après une bonne journée de taf. Tout va bien dans votre vie, et jouez à Mixture. Jouez à Mixture. Vous êtes de bonne humeur, jouez à Mixture. Voilà. Et après le jeu est sympa, le jeu est exigeant, le jeu est un peu moche. c'est le truc, il y a des qualités, blam. Le coup près. C'est ça. C'est dommage. Les musiques sont sympas. Les musiques sont très jolies aussi sur ce jeu. qu'est-ce qu'on peut dire aussi le sound design, enfin toute la partie sonore et efficace. Ouais, quand tu balances tes pas tes sorts mais tes mixtures, voilà tout. On va dire ce que ça fait, ce que ça procure au personnage, est-ce que c'est bien mis, mise en scène, voilà, d'un point de vue du son. Oui, c'est plutôt cohérent. C'est plutôt cohérent et efficace. Bon, ça va. L'histoire aussi se déroule gentiment. Tu peux trouver des fresques sur les murs à débloquer, et puis voilà, ça apporte un peu de lore au jeu, donc ça fait pas de mal. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Il est long, d'après toi ? D'après moi, alors apparemment il y a 30 niveaux. Un niveau, c'est quand même assez long. C'est pas des niveaux qui se terminent en 10 minutes et puis la place est torchée, même au début. Et je pense que c'est de plus en plus long après au fur et à mesure de la progression. Il y en a 30. Mmh. À vue de nez, je tablerais sur 5-6 heures, à vue de pif, en ligne droite. Tu vois ? Et sans galérer. Mmh. Donc l'impression que. Sans rager, ouais, non, sans rager. Donc j'ai l'impression que voilà, c'est pas trop déconnant. Et je dis encore, hein, ça a vu de pif, hein, en prenant vraiment en compte les premiers niveaux, on va dire le premier tiers du jeu que j'ai eu le temps de faire pour le moment, et puis la longueur globale en fait des niveaux. Voilà, je pense pas que ce soit du vol au niveau du prix. Non, surtout qu'il n'est pas trop cher, c'est une trentaine d'euros, 25 euros, franchement, voilà. C'est honnête. Franchement, autant le fait d'être sursollicité au niveau du gameplay me gêne pas, moi ce qui me gêne, et ce qui fait que je sais pas si j'irai, si j'aurai la force d'aller jusqu'au bout du jeu, c'est que je le trouve pas satisfaisant vraiment graphiquement, quoi. C'est dommage, hein. L'univers a envie de raconter des choses, tu vois, il y a des choses qui se passent, t'as des oiseaux dans le ciel, t'as une flore et une faune qui est un petit peu particulière, qui a envie de raconter quelque chose, mais c'est trop moche, quoi, enfin c'est trop simpliste, c'est vraiment dommage, hein. C'est vraiment dommage. Donc, en plus, il me semble qu'il a été retardé lui aussi, il faisait partie de la petite flopée qui a eu... des petites semaines de rallonge pour sortir leur jeu. Mais clairement, ouais. c'est un jeu autonome qui a pas du tout été retouché et ça sent un peu l'amateurisme, quoi. Et je le dis franchement avec regret, hein, parce que encore une fois le jeu est vraiment sympa, quoi, mais on sent que t'as envie de l'aimer. J'ai envie de l'aimer, mais putain, mais c'est... Il est beau ce bébé, mais putain, il est moche. Mais qu'est-ce qu'il est moche, quoi. Qu'est-ce qu'il est moche. Ouais, c'est dommage, hein, parce qu'il est gentil. Hein. Il est gentil, il fait pas de bruit, il dort la nuit. Hein, mais Voilà, mais non, mais non. Oh, mais, non. Voilà. Remets-le dedans. Voilà. Bon, c'est un peu dégueu, c'est un peu dommage, quoi. Il manquerait pas grand-chose, il manquerait... quelques petites textures réalistes, peut-être juste comme je te disais un petit effet cel shading, un petit coup de richesse à la mosse, quoi. Ouais, un petit côté de cel shading aussi, peut-être qui lui aurait pas fait de mal, parce que là c'est cru et c'est pas ouf. Au niveau des caméras aussi, j'en ai pas parlé, donc c'est dans la majorité des cas c'est la caméra qui suit le personnage, le Fallen, et il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Franchement, là. Non. L'action, tu trouves pas. Il n'y a aucun risque que tu aies un mur en face de ta gueule qui te cache le Fallen. Non. Et que tu perdes l'action et que le Fallen se fasse violer derrière le truc, quoi. Non. Là, t'es jamais gêné, justement, au niveau de la caméra. Tu peux retourner complètement la caméra. T'as des rotations angulaires uniquement pour le moment pour tourner la caméra. Ce qui est un peu chiant d'ailleurs. Et tu peux retourner en arrière sur les niveaux. Contrairement à du Astrobot ou d'autres jeux dans ce genre-là, ou du VenVR. À la troisième personne, ouais. Voilà. Ouais. Donc t'es plutôt libre. T'as moyen de retourner en arrière, justement, pour des bonus. D'ailleurs, ça t'est demandé carrément dans le gameplay. Enfin, dans le parcours du jeu. Donc voilà, c'est. Bah, tu lui mettrais. Tiens, bah allez. On passe à la note. Tu lui mettrais combien? Combien de papillons sur 10? Je lui mettrais papillon de nuit chiant un soir d'été. En intérieur, tu vois. Ah. C'est joli. Sur 20. C'est joli. Sur 20. C'est joli, mais il casse les couilles. Voilà. C'est joli, il est... T'aimes bien... Moi, j'aime bien les papillons de nuit, mais j'aime pas les voir chez moi et j'aime pas les avoir dans ma gueule. Voilà. Et dans l'oreille, c'est... c'est ça. C'est un peu ça. Et c'est dommage. C'est chiant, et c'est dommage. Ça, c'est chiant. Ça, il est dans la catégorie... Il y en a beaucoup des jeux comme ça que t'as envie d'aimer, mais qui te font chier, mais tu... Et j'en ai fait beaucoup hein, des jeux comme ça, mais putain, à la fin, t'es content et soulagé à la fois, tu vois, d'être arrivé au bout. Et je pense que, ouais, de ce que tu racontes, ce jeu-là, parce que je l'ai pas lancé, vu qu'il est en boîte, je risque de l'avoir, mais bon, je le lancerai à ce moment-là, mais voilà. Tu regretteras pas de l'essayer, hein. Mais est-ce que tu voudras le finir? Je sais pas. Je sais pas, des fois, tu sais, je sais pas ce qui m'arrive, hein, mais des fois, t'as envie de changer de crèmerie, de crémière. Donc, des fois, ça pourrait peut-être me prendre. Je sais pas. Et tu vois, c'est rageant parce que le gameplay est bon. Tu peux pas vraiment le mettre en défaut sur ce truc-là. Mais il manque pas grand-chose. Enfin, j'ai pas. J'ai juste l'envie de faire une version. Bah voilà, alors peut-être que les développeurs ils avaient pas le temps, pas d'argent, pas les. Oui, mais. Pas les compétences aussi, mais bon, voilà, en même temps c'est leur métier. Mais ils étaient pas loin quoi. Ils étaient pas loin d'avoir. Mais de faire une version, bah ils ont réussi, ils ont coché des cases, mais celle du. Vous êtes sur PSVR 2, les gars. Ah bah celle-là elle est pas cochée, ou alors elle est rayée sur le côté quoi. Et puis PSVR 2, Quest, PC, même combat, hein, c'est tout pareil de partout. Hein, c'est le même jeu. Ah ouais, mais. Encore si on va dire que la version Quest était suffisamment léchée comme on a eu Red Matter 2 ou Mosdo, hein, on s'est aperçu que la version PC Quest et PSVR 2 c'était exactement la même, avec quelques petites différences. Mais si elle était suffisamment léchée, ça serait passé, j'ai envie de dire. Mais voilà, il y a ni c'est ce but-là qui a été atteint, ni le fait de vouloir proposer une version dédiée sur PS5. Quoi. Les mecs, je sais pas, le fait qu'ils aient une PS5 sous le capot, ça leur a pas effleuré l'esprit, ou voilà, ils n'ont pas voulu, ou n'ont pas peut-être pas eu le temps. C'est pas la version de base. Profit, quoi. C'est pas la version de base. Et puis effectivement, je pense que c'est un studio qui est peut-être novice, un peu modeste. Et puis voilà, c'est leur deuxième jeu, donc leur premier jeu était pas non plus un foudre de guerre au niveau graphisme. Après, faut faire attention, hein, parce que les studios modestes. Il y en a qui envoient du pâté, ouais. Il y en a qui envoient du très lourd. Hein. Vertigo 2. Oui, bah oui, oui, oui, oui. Donc voilà, tout seul le gars. Studio 2, donc. 1. Voilà, donc bon, c'est un bien et dommage à la fois, mais est-ce que tu le conseilles? Ah. Yeah. Pas vraiment en fait. Pas vraiment. À choisir Moss 2 et celui-là, mais voilà, celui-là est plus récent. Moss 2. Moss 2, bah oui, Moss 2, carrément, oui. Si tu découvres un petit peu ton PSVR 2 et que tu veux essayer un jeu. Si t'es vraiment un chien de jeux de plateforme aventure en VR, ouais, ça peut être pas mal. Mais putain, t'as pas le droit de faire des armures et un design d'armure aussi classe et puis le mettre dans des décors aussi dégueux. T'as pas le droit. T'as pas le droit de faire ça. Enfin voilà. Dommage. Donc ouais, dommage. Je lui mettrais Papillon de nuit sur 20. Je lui mettrais un 5. Ouais, voilà, un 5. Ah putain, c'est la soirée des 5. Un 5, dommage. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour Mixture. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. Le test arrive, hein. Ouais. Encore une fois. Non, t'inquiète, hein, il te croit. Hein. Ouais. Ouais, parce que merci l'éditeur de nous avoir fourni la clé à des branquignoles comme nous. Mais voilà, on en parle déjà pendant le podcast. Bah, ça fera toujours plus de vues qu'une vidéo de test chez nous. Donc c'est pareil, hein, presque. C'est presque pareil. Hein. Voilà. Donc voilà pour Peut-être qu'on aura la surprise. Exactement. Non, c'est très bien. Voilà. Je reprends la main. Et tu reprends la main avec Genotype. Genotype. Attends, je me tac. Tu te touc-touc. Ouais, parce que les développeurs qui ont des consonances un peu polonaises ou truc un peu est, j'ai du mal. Dimitrichkouesque. Voilà. Ah non, ça, j'ai pas du tout de mal. Bizarrement. Moi, je sais pas. Hein, t'sais, sélection. Donc, Genotype, bah, c'est pareil. Hein, c'est un petit jeu qui sort de l'autonome, donc développé par Bolwerk Games. Au prix de 28,99€ sur le store, et c'est un jeu, un FPS d'action aventure. Voilà. Le scénario, on contrôle Evin, qui est elle fait une météorologiste, qui travaille en binôme avec Dan, et ils sont dans l'Arctique. Voilà, donc ils bossent là-bas. Ils ont leur bureau, c'est un espèce de gros engin. Chasse-neige et tout, et puis ils ont leur petit attirail à l'intérieur. Dan a fait de la merde, il se retrouve un petit peu coincé, et vu qu'ils sont en pleine tempête, il va falloir dégarpir rapidement. Donc c'est parti, on est envoyé direct au casse-pipe. La voix de. C'est là qu'on remarque quand même que la voix de la nana est quand même très agaçante. Ouais. Limite un peu voix de Cressel, et que en plus, bah, je sais pas si c'est super réaliste, mais elle se plaint énormément. Donc, j'ai pas dit qu'elle était hystérique, hein, mais, non, mais elle a froid, elle a pas demandé à être là, voilà quoi. Non, mais c'est ça. Mais déjà de base, Dan lui dit ouais, bah va, sors à l'extérieur en pleine tempête. Bon, j'avoue que voilà, mais bon, en même temps, ils sont deux. Lui, c'est le chauffeur. Non, puis il me semble, elle est payée pour ça, non? C'est son métier, je crois, non? Elle a des subventions. Justement, elle dit, elle fait non, non, non, c'est pas dans ma fiche de fonction. Moi, je suis ça, je suis pas payé pour me cailler le cul à l'extérieur et d'activer, voilà, le générateur. Ça, c'est les syndicalistes dans Alien, tu sais, voilà, dans le premier Alien qui. Non, c'est pas notre boulot, non, non, on fait pas ça. Mais... fiche de fonction, hein, Non, non, non, non. Non, c'est réaliste, bon, c'est réaliste. C'est réaliste. Elle se plaint, elle y va quand même. Voilà, de toute façon, pas le choix. Donc, voilà. Et donc, on repart. Tout se passe bien. Et en repartant, bah, Dan, fais pas gaffe. Et on passe à travers une couche de glace. Voilà, bam. Et on se retrouve, bah, malgré nous, dans un complexe, un laboratoire géant qui était apparemment pris dans la glace. Nazi. Et non. On. Comment? Nazi. Non. Nazi, bah, un laboratoire nazi. Ouais. Ah non, pas du c'est tout. Pas un laboratoire caché, c'est toujours nazi, donc je sais pas moi. Ah non non non, là pour le coup c'est bien américain. D'accord. America. Mais ouais, non, donc voilà, malheureusement notre pauvre Dan. Donc ça c'est les premières minutes, hein, c'est pas du spoil. Hein. Notre pauvre Dan, bah, se prend une poutre un IPM en pleine gueule, donc on se retrouve tout seul. Et bah, on doit progresser dans ce laboratoire et découvrir un petit peu, trouver un moyen les mystères. De sortir. D'accord. Et les mystères, de, bien évidemment, de ce laboratoire où des expériences assez particulières s'y sont déroulées. Les nazis. Et... T'es nazi. Bah, ça aurait pu. Des expériences particulières. Donc ça aurait pu. Alors bon, on se retrouve tout seul. Alors pas longtemps, parce qu'en progressant rapidement, bah, on tombe. Ah, heureusement, tout de suite sur un casque, et là, la seule personne, apparemment, le seul survivant qui s'appelle William, donc un chercheur du complexe, voilà, bah, nous, on fait connaissance avec cette personne-là, et dit, bah, je vais te guider, nanani, dans le complexe, mais fais quand même attention où tu marches, parce que voilà, tu risques de croiser des petites bébêtes. Donc c'est là que tu récupères le casque qui permet de communiquer en direct avec lui, parce que le casque il t'apporte absolument rien, mais tu as ensuite tu avances et tu attrapes ce qui va te servir d'arme, donc une paire de gants qui a un petit peu la caractéristique d'être comme une imprimante 3D où tu vas pouvoir alors c'est bizarre hein, mais faire apparaître des scrotums, mais vraiment hein, des trucs bizarres. D'accord. Hein. Ou des champignons scrotomesques, tu vois, qui, en fait, bah, ce sont des armes, hein, des armes projectiles. En fait, plein de choses. Et tu vas pouvoir te défendre, progresser dans le complexe, découvrir, apprendre ce qui s'est passé, voilà. Et puis sortir d'ici vivant. Parce que c'est quand même le but voilà, de l'aventure. C'est vrai que le design des armes est particulièrement dégueulasse, hein. Bah ça, Je trouve qu'il y a de l'inspiration de. C'est un peu Cronenberg, c'est un peu. De Sing, bah ouais. C'est un peu. C'est un peu. Ou Bah alors, déjà, oui, le. Existence, un peu, non? Oui, Existence, ouais, également. Mais ouais, bah, vu que le truc, oui, c'est un peu. C'est pareil, c'est cher. Tu sais pas trop, t'as l'impression d'avoir un alien voilà, sur la main et qui a une fonction précise. Donc, et c'est là que, honnêtement, le jeu. Eh ben, il est plaisant. C'est un jeu FPS action-aventure avec une petite pincée, je dis bien une petite pincée, de Metroidvania. Ah. Parce que, ouais, et c'est. Alors, ça n'apparaît pas tout de suite, mais une fois que ça apparaît, alors là, j'ai beaucoup avancé parce que le début, il est très. Assez lent. C'est assez lent, c'est assez chaotique, tu progresses assez lentement, t'as les premiers ennemis. Alors, voilà, c'est. Le jeu. Esthétiquement, au niveau de la réal, on voit que c'est de l'autonome. C'est clairement, voilà, c'est des formes, les tasses à café, voilà, c'est des hexagones, voilà, c'est très rectangulaire, très cubique, voilà, c'est taillé à la serpe. Mais d'un point de vue définition, non, résolution, pardon, le jeu est très net. Mais vraiment très très net, que ça soit de près ou de loin, il n'y a aucun souci. Alors, les décors qui sont on va dire le plus chatoyant et assez bien fournis, c'est surtout les décors en intérieur parce que dès que tu passes à l'extérieur, franchement la tempête, c'est pitoyable. Vraiment c'est pitoyable. T'as des petites particules, des petits flocons, mais t'es vraiment, ils se prennent pas la tête. Hein. C'est allez boum, brouillard, voilà brouillard à 1 mètre de toi, tu vois rien. Mais c'est tu vois rien, c'est moche. T'as pas genre le visage tout autour qui se gèle ou des trucs Ouais, comme t'as ça, il n'y a aucun pas effet des petits trucs. superflu, quoi. Pas de superflu, c'est vraiment minime. Il n'y a pas souvent où tu es en extérieur, mais voilà. Moi personnellement, sur une version PSVR 2, j'aurais bien aimé une petite Enhance Edition avec des petites choses en plus. Mais bon, le jeu a quand même le mérite d'être net et assez bien fourni dans les décors. Parce que quand tu te balades dans le complexe, bon, bah, tu trouves. Des petits terminaux, des PDA, tu vois, où ben, voilà, tu apprends énormément de choses ben, sur les personnes qui travaillaient ici. Et t'apprends un petit peu voilà, les expériences qu'ils menaient. Et c'est là que ben, tu compares à The Thing, c'est très bien. Parce que voilà, les scientifiques de l'Arctique ont trouvé un ADN. Donc extraterrestre, machin. Et puis ils se sont amusés à jouer avec et à le. L'incorporer, à le mélanger à de la faune et à de la flore. Et bah là, et pouf, ça fait des Ça fait chocs des à gros pic chocs à pic et. mutants, quoi. Voilà. Qui te saute à la gueule, qui t'envoie des. Bah des sauces, des trucs électriques. C'est toujours une bonne idée de faire ce genre de choses-là dans des complexes militaires souterrains en Antarctique. C'est toujours bien comme ça. Bah d'un côté, c'est isolé, t'es pas dérangé par les voisins, et puis. En général, si c'est pas trop légal, voilà, hein, tu risques pas d'avoir un contrôle d'ici là, quoi. Et puis c'est l'assurance avec la glace de jamais s'en débarrasser en fait, parce que même si ça crève ou même si c'est enfoui par la glace, en fait ça restera en stase et puis voilà quoi. Donc c'est toujours bien. Et oui, Jamy, parce Oui. que Petit Seil va vous Et apprendre oui, et l'ADN. oui. Qu'est-ce que l'ADN, Seil? Donc bah oui, mais bon voilà, il y a des petites subtilités scénaristiques parce que notre nouveau compagnon William nous explique vraiment ce qu'on est censé faire pour, on va dire, tenter de se débarrasser de voilà de cet ADN qui mute, qui évolue, et il va nous envoyer chercher, on va dire, des fragments d'ADN à droite à gauche. Un peu moins d'une dizaine, 9 je crois au total, qui sont dispersés dans tout le complexe, qui est très très grand, très très grand, et rien que en récupérer un, ça m'a pris ouais 2 heures, Ah ouais, 2h30, quand même. 2h30 quoi, Donc, quand grosse même. durée de vie. Juste une question, Je pense. le jeu, il est procédural au niveau des décors ou est-ce que c'est vraiment... Ah pas du tout, Ouais, c'est... pas du D'accord, tout, ça pas c'est du bien tout. ça. C'est D'où tu dis Metroidvania, c'est vraiment ça, quoi. C'est pas... On n'est pas dans du Cosmodred où tu recommences, Ok, tac, ouais, voilà, le super, très couloir bien. est comme ça, machin. Donc c'est nickel. Voilà, le complexe, il est super cohérent, il est très varié. T'as pas vraiment cette impression de décor vraiment copié-collé de partout. T'as pas de redites, Donc, quoi. il n'y a pas de redites et même. Non, y en a vraiment pas. Et même, t'as une grande variété. Mais dès le départ, parce que tu as un coin, on va dire, qui n'a pas été vraiment contaminé par l'ADN, tu vois, par la flore contaminée et tout. Et puis, passer, ben, tu sais, tu as un système un peu à la Doom, hein, où tu dois trouver des passes, donc pour ouvrir les portes de niveau 1, de niveau 2, etc. Donc, tu dois trouver tout ça. Donc, il y a un petit côté fouillé qui est assez sympathique. Et. Au fur et à mesure, bah, tu tombes sur des pièces beaucoup plus hardcore où bah, voilà, t'as carrément, c'est du Last of Us, hein, tu vois. Où, bon, pas graphiquement, mais l'ambiance est là. En tout cas, l'ambiance, peut-être pas bah, au niveau de la définition des textures, c'est quand même assez simple. C'est pas Mais c'est moche, cohérent. mais Donc c'est c'est cohérent, ouais. globalement cohérent. Par contre, je regarde sur les images, en intérieur, sur des pièces qui sont assez longues, t'as pas d'effet de brouillard un petit peu dans le fond? Et eh ben, je m'en suis pas aperçu. Tu t'en es pas aperçu sur le Franchement. casque parce que sur justement là, ton test, là, on voit quand même que tu as un petit effet grisâtre dans le fond des pièces, comme pour justement techniquement essayer de gagner quelques FPS, quoi. Alors, c'est possible, mais alors le fond, il est vraiment éloigné et puis il se passe suffisamment. Il y a suffisamment de choses aux alentours où tu dois t'occuper voilà, dans l'immédiat que. Honnêtement, c'est, bah, si tu veux, tu vois, bah, là tu soulèves un truc, c'est que ça m'a pas choqué. Ce qui m'a Sous le choqué, casque, c'est d'accord. les. Sous le casque, ce qui m'a surtout choqué, c'est les extérieurs, quoi. D'accord. Donc voilà. Alors, en termes. Et puis c'est pareil, au niveau du gameplay, tout ce qui est. Bon, les sauvegardes, les choses comme ça, tout ça s'effectue sur des ordinateurs, des écrans. Où bah, tu sélectionnes, c'est tactile à distance, c'est très précis, il n'y a pas de souci, on galère pas en fait, et on arrive facilement à lire. C'est vraiment que tout est lisible. Il y a juste, bah oui, les feuilles qui traînent par-ci par-là, bah oui, c'est sûr que tu vois pas comme dans OVR Dark où tu peux aisément lire les lignes sur un article ou un truc comme ça. Sans le tenir, Là, ouais. c'est. Voilà, là, c'est brouillé. Il y a pas d'interaction, il y a très peu de motion gaming avec le décor, c'est. Vraiment minime, c'est du style tu actives des leviers, tu fais quoi d'autre? Ouais, tu utilises les ordinateurs un petit peu comme dans Doom 3VR. Voilà, il n'y a pas d'interaction, tu prends pas des tasses, des trucs comme ça, voilà, tu fais pas mumuse avec le Est-ce que décor. le gameplay, tu dis que du coup il n'y a pas beaucoup d'interactions avec les décors, tu as quand même un petit peu de craft, tu as quand même de la manipulation. Est-ce que T'as. T'en as. tu dirais que le gameplay quand même est fluide? Est-ce que tu as toujours du plaisir, quel que soit en fait le type d'action que tu dois faire, soit du shoot, soit des énigmes, soit du craft? Est-ce que tout est naturel, quoi? C'est assez fluide, c'est naturel, c'est logique. C'est-à-dire que ben on va te dire oui, bah voilà, il faut activer ci, ça, ça. Donc bah, déjà progresser dans les niveaux, c'est bah. J'ai pas vraiment été rebuté par quelque chose qui était vraiment bah, pas logique ou alors qui a été mal fait ou quoi. C'est vraiment, ah bah je dois aller là-bas, tu sais, ouais, bah, c'est en sous-sol et tout. Hop, tu réactives la porte qui est un peu plus haut. Tu tombes sur des terminaux, enfin tout est fluide. Tu tombes sur La des PDA progression est reste agréable du début à la fin, quoi. C'est agréable, c'est agréable. Il y a juste bah, peut-être les combats qui sont. Alors pour moi, je me suis mis dans ma nouvelle partie en brutal. Alors il faut pas faire ça. Parce que en fait, le problème qu'il va y avoir avec les ennemis, c'est qu'il y en a certains, ça va être des sacs à PV en fait. Ouais, donc c'est pas, ouais, Et que super si intéressant, t'es quoi. pas un nerveux de ouf et que tu ne leur défonces pas, parce qu'en plus ils se régènent. Ah oui, d'accord. Donc Ok. voilà, t'as des genres de gros cafards, enfin je sais pas, des gros scarabées, un peu luisants, et ils se renvoient des petits potions de vie comme ça, et puis quand t'en as 3-4. Ah bah oui, c'est infini, Dans quoi. une pièce, c'est infini, tu fais putain. Et en fait, c'est là que le plaisir est mine de rien, parce que tu deviens un petit peu tactique. Tu commences à choper des armes. Alors t'as tes armes qui sont dans ta main droite, donc c'est tout le petit côté existence, armes organiques et tout. Donc la première, t'as genre un petit flingue. T'as un second tir. Donc t'as ça fait des petits flingues et t'as une boule qui fait grenade, tu vois. Et t'en as d'autres, ça va être plus rafale, donc plus mitraillette. Et le second tir, ça va être une énorme boule qui va faire des dégâts continus, donc tac, tac, tac, à répétition, sur tous les ennemis qui sont autour. Et puis sur la main gauche, bah, tu vas avoir tout ce qui est un petit peu plus pragmatique technique, technologique, donc les mini-roquettes, les trucs comme ça. Et donc, quand tu as des ennemis un peu casse-couilles, où tu sais qu'eux, il va falloir leur faire des dégâts de fou, et s'en débarrasser le plus rapidement possible, t'essayes de te faire un petit tas, tu vois. Donc tu tournes autour de la pièce, et dès que, ou alors tu les coinces, oui, d'accord, tu okay, ouais. Un peu à la 300, et tu fais, allez, venez, accumulez-vous à l'entrée de la porte, et tout, machin, et puis là, tu balances une mini-roquette, blaah. Mais c'est très fluide, hein, tu affiches ton inventaire avec ces 8 emplacements, tu chopes rapidement, hop, ta roquette, tu la mets, pim. Tu utilises la gâchette adaptative et ça te fait, tout est fluide, c'est naturel, et tu enchaînes et tu envoies la roquette, ça fait les gros dégâts et tu enchaînes derrière avec toutes les armes organiques. Donc moi qui aime bien, on va dire, tout le côté, moi j'aime bien quand le jeu est chiant, exigeant, en fait, chiant, exigeant, mais que ça soit, tout soit fluide. Tu galères pas dans le gameplay. Que je galère pas à recharger mon arme, ouais, tu vois, parce que le tracking est mauvais ou je sais pas quoi. À choper une grenade et puis à faire comme ça, essayer de la choper et de pas y arriver. Voilà. Quoi. Ça me casse. C'est exactement ça. C'est tout ce que tu vas faire avec tes deux mains et tout machin. Tout va être naturel et fluide. Si tout est bien rangé dans ta tête, il y a du plaisir de jeu. Et par contre, oui, voilà, c'est pas de se mettre tout de suite en brutal, parce que surtout si on découvre le jeu et qu'on n'a pas les petites techniques. Voilà, la petite malice, ça risque d'être compliqué. Parce que, pour le coup, t'as un système où les ennemis, quand tu les défonces, vont te donner des genres la xénomasse ou un truc comme ça. Bref, c'est de la ressource. Il va y avoir de la ressource que tu vas trouver un petit peu partout, donc les munitions dans des seringues que tu vas injecter. Très bien faites, hein, d'ailleurs. Tout ce que tu t'injectes dans ton bras qui est après absorbé et que tu maîtrises, en fait, tout est bien fait, le son est parfait, enfin je trouve que c'est très immersif à ce niveau là et les injections de ce que tu te mets dans le corps avec des seringues, c'est très immersif. Bah ouais, parce que dans le bras, c'est sympa, parce que c'est sympa comme ambiance, c'est cool. Non, c'est pas Toxico Simulator, mais en fait voilà. Non, mais t'as un genre de réceptacle, si tu veux, dans une montre, tu vois, sur le poignet gauche, et les munitions, en fait, c'est vu que c'est organique, c'est un petit peu comme des fioles de sang que tu places et tout, t'enclenches avec la gâchette et c'est absorbé et hop, ta petite bébête dans la main droite, et elle peut à nouveau balancer des projectiles. Tout ça est logique et plutôt bien pensé, bien amené. T'as l'impression un petit peu d'être dans un mélange de Half-Life avec un peu d'inspiration de films par-ci par-là. Un peu Vertigo 2 aussi, vite fait, dans le côté bio-organique que tu peux avoir. Et oui, un peu Vertigo 2. Un peu Duke Nukem aussi. Un peu Duke Nukem, parce que t'as une arme. Enfin, non, c'est même pas une arme, c'est une petite features, et c'est là que le côté Metroidvania qui est assez. Démarre, en fait. C'est que t'as la possibilité de balancer un petit crabe, et qui va pouvoir entrer dans les conduits de ventilation. D'accord. Qui sont déjà dès le départ un petit peu partout, qui ne sont pas du tout accessibles. Et par lequel tu vas pouvoir accéder à d'autres portions du niveau, accéder à des cartes, à trouver des codes pour des coffres qui sont dispersés à droite à gauche. Toujours de manière logique, hein, où ce sont des mecs qui ont mis des ressources, qui ont dit « Ouais, Tatiana, le code, je l'ai rangé à tel endroit. » Donc hop, sur ta carte que tu peux afficher et que, pareil, tu navigues aisément, un petit peu comme du tactile, hein, comme sur un téléphone. Mais c'est important de le dire, hein, parce que toutes les cartes ne sont pas comme ça. Tu vois. Ah oui, clairement. Ouais. Mais pour le coup, rien que comme si tu étais sur ton téléphone avec Google Maps, tac, tu fais « Ah ok, je vais le complexe de contrôle, voilà, c'est par là. Ah, je vois qu'il y a une petite entrée. Peut-être que je vais pouvoir balancer le petit crabe. » Et oui, je termine sur le petit crabe. Tu te retrouves à l'intérieur du petit crabe. Ah, d'accord. Et tout ton corps. Et tu te retrouves un peu comme Mini Duke. Mmh. Tu sais. Oui, je vois. Et dans tu les te conduits, retrouves voilà, dans les ventilés. Ouais. Et tu tombes sur des petits trucs. Alors, des fois, des petits objets, voilà, des petites ressources que tu es obligé de trimballer avec tes petites pinces et puis de mettre à l'extérieur, de reprendre une taille normale pour pouvoir t'en servir juste après. Des fois, tu tombes sur des gros, comme les facehuggers. Bah des voilà des gros crabes dégueulasses qui te sautent dessus et ben qui sont morts tu vois mais ils tombent tu sais tu tournes la tête et, ah c'est bon parce que je pense que les ennemis peuvent t'éclater en un coup pour le moment c'est pas encore arrivé mais je pense que t'es très fragile parce que tu peux pas te défendre quand t'es en crabe donc d'où le voilà le petit côté Metroidvania qui se débloque un petit peu plus loin et c'est pour ça que au départ c'est un petit peu laborieux mais dès que tout ça commence à s'élargir et tout, que tu commences à voir au-delà que de ton petit trou de serrure, que tu ouvres une porte et que tu fais ah putain, le terrain de jeu. Et là, tu commences à prendre ton pied parce que tu te dis ok, j'ai pas tout looté, j'ai pas tout regardé à cet endroit. Là, tu vas, voilà, tu fouilles. C'est un jeu que, voilà, tu fouilles. T'as des objectifs principaux, t'as du secondaire, tu peux voilà, te trouver, collecter un maximum de ressources parce que tu vas pouvoir faire évoluer tes armes, donc tu vas pouvoir tirer beaucoup plus loin, faire beaucoup plus mal. En fait, voilà, toutes tes armes évoluent. Me donne presque envie, hein. Tu me donnes et presque envie avec ton jeu, hein. Franchement, parce que moi, en plus, je suis à fond dans les Metroidvania en ce moment. Le truc, c'est que le premier abord, c'est toujours pareil, hein. C'est ouais, bah allez, vas-y, on se retape encore une autre bousasse de l'autonome. Mais en fait, déjà, tu fais bon, ok, c'est net. Déjà, c'est bien, c'est bien. Bon, ça aurait pu être un petit peu plus, mais bon, allez, je continue. Et tu fais bon. Ah, les armes, ouais, c'est bien C'est dégueulasse, c'est original. bien machin et tout, c'est original. Tu les actives d'ailleurs, c'est original aussi comment tu les actives. Tu tires un fil sur ton poignet et plus tu le tires, enfin, tu le tires légèrement, tu actives la première arme, tu le tires un petit peu plus, hop, c'est la deuxième arme. Et pour tout remballer, eh ben, tu rabats le fil entièrement sur ton poignet, pouf, t'as les mains à nouveau libres. D'accord. Voilà, c'est et toujours c'est fluide, c'est logique, c'est bien fait en fait. Et les décors sont variés parce que là j'ai atteint un complexe qui est un petit peu plus en accord, on va dire, avec les gens qui bossent à cet endroit-là. Donc c'est un petit peu les scientifiques un peu de bureau, tu vois. Donc t'as un lounge qui est très machine à café et tout. T'as un endroit où les mecs, bah mine de rien, ils appellent leur famille et tout. Donc, mais ils appelaient leur famille, mais t'as une partie qui est, c'est un endroit qui est isolé et surveillé. Donc tu vois quand même qu'il y a les mecs, c'est vous bossez pour nous, mais on vous surveille, hein, quand même. Oui, bah On c'est un surveille ce que vous complexe faites. scientifique, donc oui, forcément. Ouais, Ça reste cohérent. Ça reste cohérent. tu dis forcément, Mais c'est cohérent. mais c'est là, C'est cohérent. c'est là. J'avais peur justement avec ce type C'est pas de mal. jeu-là. Comment s'appelait déjà le jeu qu'on n'avait pas trop aimé là, qui venait aussi de l'autonome, mais qui était particulièrement moche, mais qui était fait par un seul gars aussi. Ah, tu faisais quoi T'en as dedans? parlé tout à l'heure justement. Cosmodred. Cosmodred, voilà. Et j'avais peur un petit peu de ce syndrome-là, où que ce soit un jeu, on va dire, voilà, procédural en fait, qui est du coup moins de cohérence en fait, c'est le problème. Des jeux un petit peu des roguelites procéduraux, c'est que y en a qui adorent ça, moi perso c'est pas ma came, mais ça t'enlève un petit peu de la cohérence justement des environnements que tu parcours et tu Alors dans Cosmodred, c'était expliqué mais le ça a côté. beau être expliqué, ça reste une feature de gameplay que moi je j'aime pas. Moi ce que j'adore justement dans les Metroidvania, c'est que tu t'appropries en fait le lieu que tu es en train de parcourir, Ah avec oui. avec les allers-retours que tu fais, tu te souviens en fait d'où t'es passé. Et c'est pas une redécouverte en fait de certains assets et de certains blocs de décors qui vont se retrouver à des endroits différents. Au moins il y a une espèce de cohérence là justement, et j'ai l'impression que dans ce jeu-là, en plus du côté Metroidvania vraiment que je recherche et que j'adore, là il y a en plus ouais, un côté pas réaliste, mais en tout cas travaillé quoi. Ils ont pas foutu juste Ouais. Voilà, bon bah ça c'est les bureaux, il va y avoir que des bureaux, bon bah là ça va être les laboratoires, tu vas avoir que des sorbonnes et des paillasses de partout quoi. Tu vois? Voilà, des petites seringues par-ci par-là, des fioles, 3-4 fioles, allez, Et c'est puis bon, c'est chut, bon, ça hop, c'est les labos laboratoire. ça. Non, là ça a l'air un peu plus travaillé que ça. Il y a juste ce côté un petit peu graphique dans certains environnements, donc les environnements extérieurs comme tu disais, et aussi Tu passes dans une grotte à un moment et j'ai l'impression que c'est une purée de poids à l'intérieur. Alors, sauf si tu me dis qu'à l'intérieur du casque ça se voit moins, mais qui a pas l'air C'est là où c'est un petit peu rougeoyant, ouais, c'est ça, ouais. Rougeâtre. Ouais. Là c'est purée de poids, mais je pense, voilà, j'espère que c'est pour un peu souligner le côté flore et sport. D'accord, ok, d'accord, ok. Donc je dis le côté en gros brouillard moche, si tu veux. Tu sens que c'est humide, quoi. C'est humide. C'est expliqué. Ah, okay. C'est expliqué. En plus, c'est un petit peu le truc. Bah ouais, vu que c'est un environnement assez hostile, tu vois. Mm. Bah tu vas retrouver des cadavres de chercheurs, tu vois. Genre qui sont posés là et tout machin, complètement éclatés. Bah le même certains cadavres où tu vois que l'ADN qui prolifère de partout, tu vois, qui envahit tout, elle pousse dans l'œil du cadavre, tu vois. La fleur est moche, le truc, enfin c'est pas joli, mais et il y a du détail en fait. Dans le côté pas joli, il y a du détail, c'est fourni, c'est, tu vois des papiers, tu vois que il y a un moment donné, même d'un point de vue, tu sais, la mémoire des lieux, ce qui s'est passé, t'arrives parfois dans certaines pièces à dire oulala, là ça a commencé à paniquer, à dire, ils ont commencé à se dire, oula, si les gens viennent et commencent à découvrir qu'on était en train de faire des choses, des conneries avec de l'ADN et tout machin, on va peut-être détruire les preuves, les papiers, les trucs comme ça. Donc tu vois des petits copeaux, des mecs qui ont commencé à sortir les dossiers et tout, à les détruire au fur et à mesure, à la déchiqueteuse et la broyeuse et tout. Et tu vois un petit peu, voilà, qu'il y a eu un petit mouvement de panique, en fait, à l'intérieur. Donc il y a des... Un peu comme dans Propagation, quand tu arrivais dans une pièce, tu savais grosso merdo ce qui s'était passé, tu vois. Que le survivant, il s'est fait mordre dans un coin, il s'est réfugié là, et puis après, il s'est fait défoncer, quoi. Ben là, c'est un petit peu pareil. Ouais, c'est cohérent, quoi. Donc, du détail, et c'est à force d'avancer et tout, tu prends plaisir. Alors, après, c'est vrai que même au niveau du design des ennemis, ouais, ça n'a pas l'air ultra inspiré là, de ce côté-là, par contre. C'est pas fou. Ouais, voilà, t'as quand même un genre, un scorpion chelou, tu vois. Bon. Déjà vu, quoi. Ouais, ok. Déjà vu. Ouais, surtout que. Moi, j'aurais préféré, tu vois, des bestioles vraiment qui. T'es putride, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Un peu, The Thing, quoi. Ça a l'air un peu propre. C'est un merde. Peu propre. Au niveau des bestioles. Ok. Bon, en tout cas, c'est autonome, hein. C'est le truc. Ouais, mais ça veut rien. Ça veut rien dire. Ça. Enfin, je veux dire, tu peux avoir des trucs autonomes ou un peu plus légers. Ça manque du détail. Ça manque de détail. Mais là, et d'inspiration. Les trucs, on dirait des boules, on dirait des scorpions. D'autres, on dirait des espèces. Il y a juste des petits crabes. Non, c'est bizarre. Tu sais, les petites tiques. Ouais. Les petites tiques qui te sautent dessus, celles-là, elles te surprennent bien. C'est toujours efficace, les tiques en VR. C'est comme dans Hubris, c'était vraiment le perso le plus dégueulasse qu'il y avait dans le. Ah, mais, dans le c'est, jeu, mais c'est horrible. Ouais. Mais c'est horrible. Une tique, c'est dégueulasse. C'est dégueu. Alors, t'imagines, tu multiplies sa taille par 100. Ouais. Du coup, tu lui mets combien de tiques sur 10? Ah, franchement. On parle en jeu, tu sais, Ligue A, Ligue B, Ligue C. Non, alors, ça, c'est le jeu. Non. Le jeu, il coûte combien celui-là? Il est à 28,99€. Bah, un jeu à 30 balles. Eh ben, je trouve que déjà, c'est pas. Il est cohérent au niveau du prix, même bien. Il tape quand même 7-8 tics. Hein. 7-8 tics. Hein. Ouais, c'est. Je mets toujours, je suis chiant, hein, parce que je mets toujours un peu plus et un peu moins, mais c'est parce que je l'ai pas terminé. J'ai pas vraiment un avis vraiment tranché. Je peux pas dire que il y a 9 ADN, mais à partir du 5e, vous roulez sur le jeu comme pas possible. Je peux pas le dire ça. Mais voilà, c'est, on prend vraiment plaisir à évoluer l'histoire. Mine de rien, l'histoire est bonne. Les environnements sont bons, le côté Metroidvania est bon, le gameplay est bon, les armes sont plutôt bien faites. Moi je kiffe. Je kiffe ce petit jeu. Bah tu sais quoi, moi je crois que je vais passer à la caisse pour celui-là. Clairement. Ah. Tu m'as donné envie. Bah parce que voilà, moi je découvre, j'ai rien vu de ce jeu-là avant. Je commence à être influenceur. Avant ce soir, non mais voilà, clairement, il y a des jeux après quand tu tapes dans l'œil. Mais de toute façon, tu me dis Metroidvania, il y a de grandes chances que je craque. Après si le, en plus, le côté niveau vraiment du gameplay, c'est fluide et que c'est pas déconnant et que c'est cohérent. Moi c'est vendu. Hein. Le côté Metroidvania vraiment se débloque avec le crabe. Hein. Je ne sais pas s'il se développe encore plus, mais une fois qu'il y a eu cette petite feature, je fais oh là là, il faut que je retourne à cet endroit-là, il y a des trucs à choper, qu'est-ce que je vais choper? Est-ce que ça va me débloquer à un autre accès et tout? Tu sais pas en fait. Et ça peut être tout, ça peut être rien, mais c'est super quoi. Enfin, on prend plaisir. On prend plaisir à jouer à ce jeu-là, Et vraiment. c'est bien le principal dans un jeu vidéo de prendre du plaisir. Exactement. Voilà. Donc voilà, un jeu validé par Elroco, un jeu à posséder. Donc voilà quoi. Vu que j'ai l'air d'avoir ma petite secte personnelle, je deviens de plus en plus influençant. Descends d'un coup là par contre parce que dès que tu commences à prendre Non, la bah. recette, oui, écoutez-moi, mes bien chers frères. Non, mais ça me fait rire et peur, mais parce que bon, il y en a certains qui le disent complètement comme ça, mais oui, non, il y a vraiment il y a vraiment quelque chose dans ce jeu-là. Ok. Il y a vraiment quelque chose. Là, je vous dis, c'est crescendo, hein, c'est crescendo. Il y a la petite cerise finale Ça marche. qui arrive. Bon, on avait encore. Merci, en tout cas, elle, à nouveau pour ce magnifique test. On en avait encore un test sous le coude. Je pense qu'on va se le garder pour la prochaine émission, Pour la quand tu auras prochaine? un peu plus avancé dessus. Ça va être certainement un petit peu pas prémédité. Bah, vas-y, il est tard là. J'ai plus mes mots. J'y arrive plus. C'est convenu, je sais Non, pas. ça va être trop tôt, ça va être C'est. trop tôt. En gros, t'as pas suffisamment avancé, je pense, sur le prochain jeu là pour le test. Donc, à part en parler vite fait, Non. donc voilà. Non, et puis même voilà, je l'ai pas fini je l'ai pas fini avant et je risque d'aller beaucoup plus loin et de certainement le terminer Voilà. sur PSVR 2, donc j'aurai vraiment un avis je pense bien complet. Bien plus fini. Ok, et bah je J pense. jusqu'au 2 parce que Madison. Oui, mais ça on le fera tous. Enfin, tu me diras si t'as le même ressenti que moi là-dessus. Bref, on en reparlera aussi. Ah, on verra, on verra, on verra, on verra. Bien, mon petit L, merci Bon, pour ta présence. Merci. c'est toujours avec plaisir. Merci pour ton soutien. Et puis évidemment, une pensée à tous les autres membres de VR4 Player. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. C'est cadeau, Juste, ça me fait plaisir. je le savais. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va dire. On pense bien à vous, mais on pense bien bien à vous. Voilà, pour ceux qui l'écoutent, geste amical. Geste amical, que de l'amour. Juste un Évidemment, doigt. que de Juste un l'amour. doigt. On vous fait de gros bisous, les potos. Voilà, bah, je pense qu'on a quand même une bonne petite émission, mine de rien, avec nos quelques tests et pas mal de news, mine de rien. Des nousinettes, ouais. Voilà, donc désolé encore d'avoir blablaté sur un casque mort, comme certains nous le reprochent sur YouTube, ce qui nous fait beaucoup rire. Et puis, On n'est pas dans la meilleure période, mais on est clairement dans le creux. c'est ça. Dans le creux de la vague, Et on est bien mais. conscient, hein, ça, voilà, on se voit pas la face. Et vous nous suivez sur le Discord, vous savez ce qu'on en pense, hein, aussi. Voilà, mais bah, la prochaine vague, si ce n'est qu'il y en ait une, et il peut y en avoir une, moi, personnellement, est-ce que toi t'y crois? Oui, j'y crois parce que j'arrive pas à croire qu'un tel gâchis d'abandon de casque par Sony et que rien ne se fasse malgré tout ce qu'il est possible de faire avec la réalité virtuelle, que tout soit abandonné comme ça du revers de la main, Ça n'a jamais existé. je trouve que ça serait un tel gâchis monumental que je peux pas y croire en fait. Donc, je crois pas forcément l'arrivée de Flat 2VR. Ils l'ont annoncé tout de suite. Je pense qu'il faudra être très patient avant d'avoir les premiers jeux, la première masse de jeux, on va dire, qu'on attend tous en réalité virtuelle qui viennent du plat. Donc, c'est pour ça, de ce côté-là, oui, je suis optimiste, patient, mais optimiste. J'arrive pas à croire qu'un tel gâchis et qu'on puisse avoir autant d'or dans les mains de la part de toute cette industrie du jeu vidéo et rien en faire et rien comprendre comme certains influenceurs que tu peux voir, ils disent je vous avais dit, la VR c'est pas fait pour jeux vidéo, bah c'est fait pour quoi du con, pour du porn uniquement, voilà, non, faut arrêter de te raconter des. Ah bah pour Stab VR. Pour Stab VR. Ouais. Voilà, c'est entre le jeu et le porn. Pour Stab VR, je sais pas si je mettrai une vidéo là de ce truc là. Qui me ça a bien fait marrer. Oh. Mais voilà, ouais, donc oui, forcément, je suis optimiste parce que je veux que ça continue. C'est pas, même pas forcément que le PSVR 2, parce que de toute façon, si le PSVR 2 tombe, qu'est-ce qui va rester ? C'est pas Apple qui va nous apporter du jeu vidéo. Meta vont continuer, mais s'ils sont tout seuls, ils pourront pas avoir les reins suffisamment solides pour tenir toute la VR à eux tout seuls. Le PC va se péter la gueule en déliquescence aussi. Il faut qu'il y ait des propositions différentes, il faut qu'il y ait. Des hardware différents, il faut qu'il y ait des environnements différents, et quand je dis environnement, c'est que ce soit l'OS Meta, l'OS PlayStation ou l'OS sur PC. Ça, c'est la seule concurrence qu'il y a, parce que de toute façon, c'est même pas avec Microsoft et l'annonce de pouvoir brancher avec un casque. Ton casque Meta sur ta Xbox, c'est-à-dire pouvoir jouer au Game Pass, c'est-à-dire sur un écran de cinéma sous ton casque. Qui va apporter quoi que ce soit en VR, ça c'est pas de la VR ça. Je pense qu'il y en a un qui a pas compris le concept. C'est pas de la VR, ça va faire une pub et qui va faire pouf pouf, c'est-à-dire que les gens vont se rendre compte qu'en fait on les a pris pour des cons à un moment, ou l'ouverture même de l'OS Meta à d'autres constructeurs, c'est bien, on a déjà vu ça avec le WMR, hein. C'est-à-dire que c'était Windows Mixed Reality, t'avais plein de constructeurs, ça a rajouté la forêt de casques et de hardware. Les gens étaient encore plus complètement paumés. Et puis on est dans la situation dans laquelle on est maintenant, où les gens font toujours pas la différence entre un jeu sur lequel tu peux jouer sur PC comme Half-Life Alyx et un jeu autonome, tu vois. Donc il y a plein de petites choses comme ça. Donc oui, je reste optimiste. Ça ne peut qu'aller mieux, quoi. C'est mon avis. Bah, ce sera dans la douleur, mais bah, parce que je te rejoins un petit peu dans le côté optimiste, patient, qui aime bien voir son petit bébé souffrir, parce que il prend cher. Mm. Il prend cher pour des raisons purement commerciales et tout, parce que voilà, le but final de Meta, bah, c'est certainement pas le gaming. Hein, parce que juste poser la question quand même. Un minimum de où est-ce que ça en est GTA San Andreas, ce serait quand même intéressant. C'est un exemple. C'est un exemple. Je veux pas non. À part partir sur un gros débat. Non. Mais juste, voilà, c'est bien de pouvoir faire plein de petites choses et tout chez Meta, mais que voilà, l'autonome reste du qui propose son gaming avec l'autonome et qui impose pas son style aux autres plateformes et que tu vois Sony se sorte enfin les doigts. Oui. Et phase de vraies propositions, parce que quand les vraies propositions, celles que les gens vont tiquer et vont commencer à gueuler, faire un effet Alyx, hein, du genre ouais, pourquoi c'est pas en place ça, ah bah écoute machin, bah ouais, mais mine de rien c'est là où les gens ça va attirer l'œil, ça va attirer le regard, et même puis, si j'y crois là ça va exploser, même si j'y crois pas du tout, j'espère, mais j'y crois absolument pas, hein, mais j'espère que le fait de pouvoir brancher un casque Meta, et quand je dis casque Meta, c'est avec tous les constructeurs sur Xbox, j'espère franchement que je me trompe quand je dis que ça va être uniquement pour jouer au Game Pass ou au jeu plat sur un écran de cinéma sous le casque. Franchement, j'espère que je me trompe. Et j'espère que Microsoft, par ce biais-là et par cette possibilité, sans prendre de risque justement au niveau du hardware, vont essayer d'aller mettre le doigt dedans, au moins commencer à mettre le doigt dedans, proposer quelques petits trucs. Hellblade 2, putain, ouais, mais carrément, ouais. Faut que Microsoft dise. Et là ce serait une belle cartouche, qu'est-ce que j'espère, qui repasse un petit Halo autre que celui qu'ils avaient déjà proposé à l'époque, le tir, qu'est-ce que j'espère, pigeon, qui nous, mais surprenne, oui. Justement, nous les joueurs VR qui aimons ça, que Microsoft nous surprenne justement avec ce move là parce que moi on saura que c'est pas pour la beauté, hein. Ce sera pas pour la beauté de la VR, tout ça on sait, mais on s'en fout à partir du moment où il y aura la concurrence, cette concurrence, la proposition, voilà. des bonnes licences, et Microsoft ils en ont quand même, des bonnes licences, et qu'ils en fassent quelque chose en VR et pas uniquement ils jouent en plat sous un casque. C'est pareil, je ne crois pas personnellement que avoir de l'or dans les mains comme ça et puis avoir un matériel aussi bien fini, soit mis au placard directement comme ça, quoi. Même si, ben, quand on voit les petits jeux qui pop, on n'en a pas parlé, mais bon, il y a des trucs quand même qui sont grave foutage de gueule. Bon. Et qui sont mises en avant sur voilà, les réseaux sociaux de PlayStation. On se dit, mais merde, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent vraiment mettre le dernier clou voilà, sur le cercueil de leur casque, c'est pas possible. Et puis des fois, bah, t'as des OVR Dark, des Madison, des choses vraiment très quali. Et tu dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas avoir des petits pics comme ça. Alors il n'y a pas la dynamique. Est-ce que la dynamique arrivera après? Est-ce que c'est pas encore le vrai lancement? Je sais pas, mais pareil que toi, je pense pas que ça soit terminé. Je pense pas que ça soit terminé. Donc, je optimiste, je suis en mode philomiste, philomiste. En Ouais. fait, j'ai envie de dire, je suis optimiste par défaut. Parce que je veux pas croire que ça peut foirer à ce point-là, quoi. Toi, c'est de l'optimisme, mais c'est pas de l'optimisme béni oui, en se disant oui, mais attention les copains, faut être patient, ça va bientôt arriver et tout ça. Je crois même pas ça en fait. Je pense qu'il va falloir être extrêmement patient. Il faut une impulsion. C'est juste que j'arrive pas à croire que ça puisse foirer. Voilà, c'est tout. Bon, bref, voilà. C'est pareil. Voilà, ok. Parenthèse, mot de la fin C'est terminé. un beau mot de la fin. On espère en tout cas que vous aussi vous y croyez encore. On sait très bien qu'il y en a qui y croient absolument plus, mais qui continuent à nous écouter, à écouter notre émission. Donc bah, merci à eux tout de même, hein. Mine de rien. Et puis voilà, tous les avis sont bons à prendre. Que le PSVR soit mort malheureusement ou pas, on ne sait pas, on n'est pas devin. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'on aime ça. On aime ce casque, on aime. Enfin, moi, perso, j'aime tous les casques, hein, je m'en fous. Hein, je suis une pupute, hein, je bouffe à tous les râteliers. Je suis une michetonneuse de la VR, et puis je me le cache pas. Et puis voilà, quoi. Quelle que soit la plateforme, quel que soit le type de jeu, ben, kiffez. Moi, je pense que je vais vous laisser, et puis je vais aller me récupérer Genotype. Merci le Rocco. Ah bah de rien et tout, ça fait plaisir de dépenser votre argent, et allez-y. puis voilà, et puis bah on va profiter aussi des émissions autour d'un verre tant qu'elles existent, tant qu'on aura des choses à dire. Et puis avant peut-être d'être remplacé par des IA, on sait pas. Et puis. Ah, oh, remarque, on pourrait faire un truc qui marche plutôt bien, c'est de faire des avatars. Ouais, pourquoi des pas? petites fois des petites fois fou tu Putain, vois, truc sympa. ça serait pas mal, et puis au moins il serait beau. Ça changerait ça pour les Ah, gens? attention, Ça serait plus agréable, non? attention, je te montrerai ce qui se fait en mode Patreon only only fan, tu verras. Bien, et ben là-dessus, Je on va vais se laisser. On a des choses à voir avec Alroco là. Et puis on vous fait des gros bisous, et puis bah dans 2 ou 3 semaines, on sait pas encore, et puis à bientôt. Kiffez la VR, ciao. À bientôt. Bisous. Bisous. Hey Sony, tu prends le soir avec ton PSVR2. Hey Sony, tu n'as pas vu qu'on attend des jeux. Hey Sony, ils sont les jeux. Ils sont où les portages PSVR? Tu comptes te réveiller un jour? Oui, c'est le PSVR2, allez le vieil à revendre. Et loin des titres de ce PSVR, mais pour l'instant il brasse et vend. Si tu as vu les jeux pour deux agaces en VR, ta chère simulateur VR. Et bientôt vise tu fais simulateur VR. Tout ceci fondu entre l'Europe, la et tes 30 jeux d'horreur. Hey Sony, tu prends l'espoir avec ton PSVR2. Si c'est la faute de Jim Ryan, fallait le virer avant. les graphistes, les échos, les scénaristes aussi, tiens. Allez hop, cassez-vous, allez planter des fleurs.